N'essayez pas de régler le volume de ce fichier sonore. Nous contrôlons tout ce que vous écoutez. Une nouvelle forme de divertissement est arrivée. Ceci est un podcast produit par Nerdstalk.net. Nerdstalk.net. Bonjour et bienvenue pour le numéro 9 du podcast Movies Nerd, enregistré le 30 août 2014. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous avez ça en maintenant, c'est parti. Scene 1, Apple, take 1. Bonjour, bienvenue pour ce numéro 9 du podcast Movies Nerd. Je suis votre hôte comme d'habitude, Axel. Ça me fait plaisir de vous retrouver après ces deux mois de vacances non voulues, on va dire, parce que vous pouvez lire ça sur le site moviesnerd.net, mais j'ai fait un petit édito à ce propos-là. J'ai eu des problèmes techniques, etc. avec le matériel. Maintenant, c'est réglé. J'ai tout mon matériel qui marche et qui est fonctionnel. Donc je peux enfin faire le podcast, voilà. Donc c'est depuis le mois de mai qu'on l'a plus fait, voilà. Et ça me manquait de plus faire le podcast. Bien sûr, j'ai fait d'autres choses en attendant. Je me suis occupé des deux sites, Movies Nerd et Nerdstalk, au niveau de la logistique, etc. J'ai fait des nouvelles émissions vidéo, etc. Mais ça, c'est pas... le podcast maintenant, c'est ce qui me manquait et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, depuis qu'on ne s'est plus parlé, il y a eu des grosses nouveautés sur le site moviesnerd.net. D'abord, je voulais revenir sur l'équipe que j'ai recrutée. Il y a Morgane, Menaru, Eddie et Quentin qui sont les nouveaux... ils sont chroniqueurs sur le site, donc ils sont critiques plutôt. Ils écrivent souvent des critiques d'ailleurs. Et je voulais les remercier à travers ce podcast, puisque je les ai remerciés déjà par écrit, mais voilà. Donc merci d'avoir rejoint l'équipe et bienvenue d'ailleurs. C'est déjà pour l'équipe, c'est fait. Vous les connaissez sûrement si vous lisez souvent les critiques sur Movies Nerd. C'est des gens très talentueux et que j'ai pas recruté pour rien d'ailleurs. Voilà. Le podcast et le blog. Donc le blog Movies Nerd a été créé le 17 août 2013. Donc ça fait un an qu'on a commencé à peu près, que j'ai commencé. Bon anniversaire à moi-même. Et aussi toute l'équipe, qu'elle reste... aussi longtemps ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait aussi un an qu'on a commencé le podcast. On a enregistré le premier numéro il y a un an exactement, le 30 ou le 29 août 2013. Donc voilà, ça fait un an, ça fait beaucoup. Je me rappelle encore qu'on était assis sur le canapé avec Roxane en enregistrant avec le micro intégré qui était dans le PC. C'était vraiment, la qualité sonore était assez merdique, mais bon, c'était nos débuts. Et voilà. Donc ça fait un an. J'ai manqué quelques épisodes puisqu'on est qu'au podcast numéro 9 et on devrait être au numéro 13, voilà. Mais bon, problème technique, etc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer le sommaire? Le podcast Movies Nerd a un peu changé, vous le verrez dans le sommaire, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai remanié quelques rubriques parce que ça faisait un an quand même. Il y a certains jingles qui ont été refaits, mais pas tous, surtout l'introduction que je vais refaire pour le mois prochain, parce que j'ai pas eu le temps là, ça va être la rentrée. Je vais devoir déménager et donc je fais le podcast le 30. Je devais le faire le 31 et le poster le 1er. Mais le problème, c'est que j'ai peur de pas avoir internet dans mon futur appartement dans lequel j'emménage demain. Donc j'enregistre le podcast aujourd'hui, je le mets en ligne et Roxane se chargera de vous le publier le 1er septembre. Si tout se passe bien, vous entendrez ça le 1er septembre 2014. Voilà. Voilà, vous verrez les nouvelles critiques, je pense que ça vous plaira. Et j'ai enlevé certaines qui étaient inutiles maintenant que... Maintenant que j'ai un site spécialisé sur la culture nerd et geek en général, pas que sur le cinéma, je trouvais que... Bon, je vais prendre pour exemple la Minute Nerd, je trouve que ça sert plus à grand chose, quoi. Puisque je peux parler de tout sur le site Nerdstalk, donc voilà. Et d'autres choses qui ont disparu et qui apparaissent. J'ai l'impression de parler trop durant cette introduction, donc je sais que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire le sommaire, et on va commencer ce podcast. Donc, au sommaire de ce podcast numéro 9, nous avons les news du mois d'août 2014, le vidéoclub Movies Nerd qui remplace la critique d'un classique, et cette fois-ci ce sera sur le film Super. La nouvelle rubrique Nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes qui remplace Looking of Movies, le film du mois qui reste en place et qui cette fois sera consacré aux Gardiens de la Galaxie, l'agenda cinéma Movies Nerd qui remplace Nos attentes, l'abondance du mois qui reste, la Minute Nerd qui disparaît. Et après ça, après l'abondance du mois, ce sera déjà la fin. Mais on a, à mon avis, 2 heures de contenu bien chargé. 1h30, 2h, donc on va dire qu'on va commencer tout de suite. Les news, je les ai un peu raccourcis. Parce que je trouvais que ça faisait un peu long. Souvent, c'était 10 minutes, 15 minutes de news. Donc on va dire qu'on n'a pas besoin de 15 minutes de news. Ce sera 5-8 minutes, voilà, maintenant. Maintenant que tout ceci est dit, j'ai sûrement oublié plein de choses. Je m'en excuse. Voilà. Ce que j'ai oublié, le plus important, c'est que dans ce podcast, j'ai eu 2 invités. Donc, on a enregistré ça le 28 août, si je me souviens bien, oui, c'était bien le 28. On a enregistré donc ensemble nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes et le film du mois. Et bien sûr, la fin pour qui disent au revoir, voilà. Les 2 invités, vous les connaissez sûrement puisque ce sont 2 critiques sur le site, Eddie et Quentin, que je remercie d'ailleurs d'avoir. Pris le temps, ces 2h, 2h30 d'enregistrement pour passer et pour donner vos avis sur les films que vous avez vus. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère qu'on continuera à faire plein de podcasts ensemble et encore d'autres invités bien sûr, mais voilà, j'espère que ça continuera. Et que ce sera pas le seul podcast qu'on fasse ensemble, à mon avis, ce sera pas le cas. Voilà, merci encore, et on passe tout de suite aux news, parce que ça fait trop long, cette introduction de 7 minutes 30, c'est beaucoup trop long. Voilà, news. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci? L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs, dans la rubrique News Cinéma du Mois. Et on passe tout de suite aux news. Cette phrase fait partie des nombreuses grandes choses que l'acteur Robin Williams nous laisse derrière lui, car l'acteur nous a quittés ce mois-ci le 11 août 2014. L'acteur, qui était dans un état de grave dépression après avoir appris qu'il commençait à souffrir de la maladie de Parkinson, s'est suicidé. Sa femme Suzanne Schneider déclare qu'il était un des artistes les plus aimés et l'un des plus beaux êtres humains, et demande que l'accent ne soit pas mis sur sa mort mais sur les moments de joie innombrables et de rire qu'il a donné à des millions de gens. Robin Williams est un acteur qui est loin d'être oublié dans le monde du cinéma, ayant joué de nombreux rôles cultes maintenant, de Hook à Madame Doubtfire jusqu'à Good Will Hunting, et encore des dizaines d'autres films qui ne quitteront jamais nos mémoires. Oh my god. She's so drunk. Après 3 films et une série menées côte à côte, Edgar Wright et Simon Pegg vont à nouveau collaborer à un long métrage de cinéma. Dans un entretien à la BBC Radio 6 Music, l'acteur et scénariste Simon Pegg a déclaré concernant l'idée d'un film avec Edgar Wright, « Edgar et moi avions une conversation l'autre jour à ce propos, et nous avons déjà un titre et le reste. Nous sommes en pleine période créative en ce moment, nous avons tous les deux différents projets en cours, on sait que l'on doit les faire, mais nous réunir est absolument prévu, et ça arrivera dès qu'on le pourra. » Simon Pegg fait référence au fait que Mission Impossible 5 va se tourner très bientôt, ce qui devrait l'occuper un bon moment puisqu'il reprendra son rôle de l'agent Benjamin Dunn. Pendant ce temps-là, Edgar Wright s'attellera à ses projets parmi lesquels Baby Driver, Grasshopper Jungle ou le retour sur le devant de la scène de The Night Stalker. Avec Johnny Depp, l'histoire d'un journaliste confronté à un tueur en série qui s'avère être un vampire. I've seen things you people wouldn't believe. Ridley Scott est un homme occupé. Alors qu'Exodus doit sortir le 24 décembre, le cinéaste a dans ses cartons trois projets qui ont un point commun, la science-fiction. Qu'il s'agisse de The Martian, un peu comme Robinson Crusoe sur Mars, dont il doit attaquer le tournage au mois de novembre avec Matt Damon, de la suite de Prometheus ou de Blade Runner 2. Régulièrement évoqué depuis quelques années, ce long-métrage semblait être le plus incertain du lot. Jusqu'à cette interview du cinéaste parue dans Entertainment Weekly et dans lequel il annonça que le long métrage pourrait bien se tourner après The Martian, avec un scénario déjà écrit et très bon, où il serait prévu que Harrison Ford reprenne du service. Et on passe tout de suite aux Flash News. Le film Lego que j'ai adoré n'aura pas une, mais bien deux suites programmées pour le 25 mai 2018 et le 24 mai 2019. Legend of Conan, la suite tant attendue de la saga avec le géant autrichien Arnold Schwarzenegger, vient d'avoir une date de tournage annoncée pour le printemps 2015. Ce mois-ci fut le clap de fin de tournage pour Jurassic World et le reboot des 4 Fantastiques. On passe tout de suite aux New Star Wars. Laugh it up, Fuzzball. Le tournage de Star Wars épisode 7, chamboulé puis suspendu suite à la blessure d'Harrison Ford, a repris dans les studios anglais de Pinewood. Suite à un réaménagement nécessaire du plan de travail, l'équipe menée par le réalisateur J.J. Abrams avait été exemptée pendant le mois d'août, une période par ailleurs généralement dédiée aux vacances en Europe. Cette pause avait surtout permis à Ford d'avoir une convalescence digne de ce nom. Encore sans titre et sans synopsis officiel, Star Wars 7 doit sortir le 18 décembre 2015. Le temps presse donc pour Abrams, Disney et Lucasfilm. Et pour ceux qui douteraient encore de l'état de santé de Ford, son Ice Bucket Challenge devrait définitivement dissiper les craintes. Papy Harrison a la forme et se tient fièrement sur ses deux jambes. Et c'est la fin des news. Et on, donc voilà, je vous avais dit que c'était assez rapide. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et on passe tout de suite au Vidéo Club Movies Nerd. Should I loan you my car? I want to rent a movie. You want to rent a movie? I want to rent a movie. What's that for? You work in a video store. I work in a shitty video store. I want to go to a good video store so I can get a good movie. Bonjour et bienvenue au Vidéo Club Movies Nerd. Et nous sommes à la rubrique du film du mois. Ce mois-ci, je vais parler du film Super. Je vais vous faire d'abord le petit blabla, le petit speech avant sur tout ce qui concerne le film. Et après, je vais vous donner mon avis. Comme d'habitude, donc, Super est un film réalisé et scénarisé par James Gunn, qui a récemment réalisé et scénarisé Les Gardiens de la Galaxie, que vous retrouverez dans le film du mois qui sera plus tard dans le podcast, qui est sorti aux États-Unis le 1er avril 2011 et qui est sorti en France le 1er décembre 2011 en direct ou DVD, donc il n'est pas sorti en salle. Les acteurs sont Rainn Wilson qui a notamment été vu dans The Office, l'adaptation US, et Juno qui joue ici Frank. The Crimson Bolt, Ellen Page qui a joué dans Juno, Inception, etc., qui joue ici Libby / Bolty. Ensuite, il y a Liv Taylor qui a joué entre autres dans Le Seigneur des Anneaux, Armageddon, plein de films, qui ici joue Sarah Elgeland, drôle de nom. Et ensuite, bon, j'ai gardé que les acteurs les plus connus, Kevin Bacon, qui a joué dans JFK, Apollo 13, et qui joue ici Jacques. Voilà. Je vais vous donner maintenant le synopsis du film. De son existence de cuistot loser, Frank Darbo, qui est Rainn Wilson, conserve deux souvenirs heureux. Son mariage avec Sarah, Liv Tyler, et le jour où il a dénoncé un malfrat à la police. Il a immortalisé ses deux précieux souvenirs dans deux dessins infantiles qu'il a accrochés au mur de leur chambre. Bientôt, Sarah, ex-toxicomane, quitte Frank pour Jacques, qui est Kevin Bacon, le charismatique propriétaire d'un club de striptease qui l'a fait replonger dans la drogue. Frank sombre dans la dépression et a une vision dans laquelle Dieu touche littéralement son cerveau. Frank croit alors que Dieu l'a choisi dans un but très spécial, devenir un super-héros. Voilà, donc je vous ai donné toutes les informations du film. Il faut savoir que, avant que je commence ma critique, j'ai déjà fait une critique sur le film sur movienerd.net et j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent. Mais comme James Gunn a réalisé et a scénarisé Les Gardiens de la Galaxie, dont on parle plus tard, j'ai trouvé que ce serait une bonne idée de faire une comparaison entre ces deux films qui, ben, c'est des films de super-héros, entre guillemets. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour parler du film, déjà, pour vous en reparler, parce que j'adore le film, hein, je le dis comme ça parce que je l'ai déjà dit dans le précédent podcast et dans ma critique, pour vous en parler et pour vous donner une chance de d'aller le voir avant ou après avoir vu Les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est vraiment un très très bon film, voilà. Donc, je vais vite en reparler très rapidement au niveau scénario et tout ça. Donc, au niveau de la réalisation, c'est James Gunn. Donc, il vient d'un milieu très indépendant, du film indépendant. Il a fait Roméo et Juliette avec Lloyd Kaufman. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est les productions Trauma. Donc, ça, c'est vraiment du film pur, indépendant, d'horreur et d'action. Et donc, il vient vraiment de ce milieu-là. Et où on n'utilise pas vraiment les effets spéciaux numériques, mais plus des effets des practical effects, donc de la vraie, de la matière, quoi. Pas des trucs faits par ordinateur. Bien qu'il y ait un ou deux trucs faits par ordinateur dans ce film, mais c'est fait exprès parce que c'est pour donner une ambiance. Enfin, vous verrez quand vous verrez le film si vous avez envie de le voir, mais j'espère que vous avez envie de le voir. Les moments où c'est en CGI, c'est voulu et c'est fait exprès pour parodier un certain style de cinéma. Voilà. Donc James Gunn, réalisateur et scénariste sur le film. Au niveau de sa réalisation, ben, j'ai rien à dire. Elle est vraiment super bonne. On voit déjà qu'il a l'habitude de faire des plans vraiment très iconiques. Qu'on retrouve beaucoup dans Gardiens de la Galaxie, voilà. C'est vraiment super agréable à suivre. Il y a pas, bon, la caméra tremble un peu des fois, mais on va dire que c'est fait exprès. Parfois, ça peut être un peu gênant, mais principalement, j'ai pas vu de gros soucis de réalisation, quoi. C'est vraiment, c'est bien net, carré pour un film assez indépendant, qui a pas eu beaucoup de pubs, etc. Ça fait plaisir de voir ce genre de réalisation pour un truc qui a pas beaucoup d'argent, quoi, comparé à d'autres blockbusters. Donc sa réalisation est très bonne et c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu. C'est bien au niveau des effets spéciaux, ben comme je vous l'ai dit, c'est du practical effect, donc c'est de la vraie, c'est de la matière, donc c'est bien gore par un moment. Il se prive pas, quoi, au niveau sang, niveau explosage de tête, explosage de corps, voilà, il y va et il se fait plaisir, et ça fait plaisir, enfin ça fait plaisir à voir, je vais pas dire ça, mais c'est ça va bien dans le ton du film, quoi. C'est le ton du film est assez sérieux à certains points, mais bien comique sur d'autres. Donc voilà. Au niveau du scénario, je vais y venir. C'est assez banal, hein, on peut s'y attendre, mais moi j'adore le scénario de ce film. C'est simple, mais c'est un film simple qui a du fond. Bien sûr, c'est assez violent, etc. C'est pas à mettre entre toutes les mains et pas à mettre devant tous les yeux non plus. Mais moi, j'adore le scénario de ce film. C'est structuré comme un jeu vidéo. Donc en fait, le personnage principal, d'abord, le boss le met à terre, on va dire, le boss final du jeu. Puis après, il doit monter les échelons, monter de niveau, etc. pour finalement atteindre le boss. Voilà. Je vous dirai pas plus parce que sinon ce serait spoilé et je veux pas vous spoiler ce super film. Mais voilà, c'est vraiment fait à la manière d'un jeu vidéo et j'adore ce genre de concept parce que on voit pas ça souvent et puis bah, ça fait plaisir quoi. Au niveau du scénario, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est assez simple, mais ça se laisse regarder et c'est appréciable. Voilà, il y a beaucoup de petites références à son passé à Trauma, il y a des petits caméos, il y a aussi en acteur Nathan Fillion qui avait joué dans son premier film Horribilis, qui est un film que j'aimerais beaucoup voir, que je vais sûrement voir dans les prochains jours. Mais voilà, James Gunn joue aussi dans ce film. Donc en fait, Nathan Fillion et James Gunn jouent dans une genre de série télé que Frank regarde, qui lui donne envie de devenir un super-héros. Nathan Fillion est le super-héros de Dieu, en fait. Il a la croix, il a un costume de croix, voilà. C'est vraiment très très cliché, mais c'est fait exprès et ça fait rire. Et puis James Gunn est en démon, donc maquillé de la tête aux pieds, et les maquillages sont super bien faits, quoi. Ben, ça c'est normal, c'est son passé à Trauma qu'il a il a continué, même si ce film n'est pas un film de Trauma, il a continué et a perpétué la tradition Trauma, et même dans Les Gardiens de la Galaxie, on voit, il y a des CGI un peu, enfin quand même pas mal, mais il y a aussi pas mal de textures, de vraies choses, des effets spéciaux palpables qu'on peut voir et qu'on sait que c'est là. On se dit pas, bah ça a été fait par ordinateur. Enfin, même si à notre époque, ça peut peut-être pas déranger, ou des fois on s'en rend compte, mais on arrive à se plonger quand même dans le film parce que les effets spéciaux sont arrivés à un tel niveau. Mais ça fait plaisir des fois de retourner à l'ambiance des années 80, 70 avant, où il y avait vraiment que les effets spéciaux pratiques. Il n'y avait aucun ordinateur qui faisait le boulot à la place des mecs qui faisaient les effets spéciaux. Et c'était vraiment un truc... je dis pas que c'est pas difficile de faire des effets spéciaux par ordinateur, mais à mon avis, c'est beaucoup plus difficile et ça coûte beaucoup plus d'argent de faire des effets spéciaux pratiques, des effets spéciaux practical effect, en fait, c'est pour ça que j'appelle pratique, mais voilà, des effets spéciaux qu'on peut voir et qui sont vraiment sur le plateau avec, en même temps que les acteurs. Je pense que j'ai parlé un peu trop des effets spéciaux, je suis désolé, je suis passionné par ce sujet, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Les acteurs sont très très bons. Rainn Wilson, j'adore cet acteur depuis que je l'ai vu dans The Office. C'est un super acteur. Il a vraiment une gueule qu'on reconnaît. Moi j'adore les acteurs à gueule où on se dit ah bah c'est bon. Quand on le voit même dans un petit rôle, on sait que c'est lui. Et ce mec là, il joue très bien son rôle. Il est vraiment super marrant. Il joue bien aussi les scènes dramatiques et on peut rien lui reprocher à ce qui donc il fait super bien le super héros. Il y a pas de problème avec ça, quoi. C'est son personnage, il l'a bien en tête et il l'interprète super bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ellen Page, c'est toujours une super bonne actrice. Il y a rien à reprocher. Elle est super jolie. Je vais pas dire le contraire, mais voilà. Elle fait son rôle, c'est bien. Et franchement, enfin, après les autres acteurs, je pourrais en parler un par un. Liv Tyler, Kevin Bacon, etc. Mais ils sont tous super. Ils jouent bien leur rôle. Il y a peut-être un ou deux acteurs qui sont un petit peu en dessous des autres, c'est normal. Mais de voir un film indépendant avec un tel casting, ça fait plaisir aussi des fois. Voilà. Donc, concernant les acteurs et le scénario, c'est fait. Maintenant, le dernier point sur lequel je voulais parler, et qui est, on peut ressentir ça en tant qu'influence sur le futur travail qu'il a fait sur Les Gardiens de la Galaxie, c'est la musique du film, que vous entendez sûrement en ce moment, si j'ai bien fait mon travail de monteur. Donc voilà, la musique du film est super importante, comme pour Les Gardiens de la Galaxie. On voit directement une relation entre la musique et les images qui est super importante pour James Gunn, qui adore foutre de la musique partout. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est de la bonne musique. Et à chaque fois, ça colle bien aux scènes, quoi. C'est agréable à entendre, agréable à voir. Et voilà, c'est vraiment des bonnes musiques. Et James Gunn est passionné par ça, passionné par la relation avec la musique et les images, et je peux le comprendre parce que moi aussi je suis passionné par ça. Et si jamais un jour, bon, il y a peut-être déjà du spoiler, mais si un jour je ferai un court métrage ou du long métrage, etc., puisque je vais faire des études en son, le 2 septembre je commence, donc BTS audiovisuel, sûrement que je serai amené à faire des petits projets, et ce serait un de mes principaux sujets, ce serait de foutre de la musique en même qui colle bien avec avec l'action qu'il y a sur l'écran. Voilà, je vous ai déjà trop dit, je vous ennuie peut-être, hein, mais donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Super. C'est un super film, voilà, je pense qu'on l'a déjà fait 30 000 fois. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai regardé sur, désolé de vous importuner encore un petit peu avec ce film, mais je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai vu ça sur internet, qui n'aiment pas ce film, et j'arrive pas à comprendre la haine qu'il y a des fois sur ce genre de film, parce que c'est violent, parce que c'est y a des images dérangeantes, des références sexuelles, etc. Ben, ne regardez pas si vous êtes facilement choquable, mais alors n'écoutez pas ce podcast non plus si vous êtes facilement choquable, parce que voilà, je me dérange pas pour dire des obscénités ou des choses comme ça. Moi, ça me, enfin, en même temps, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais quand un film le mérite, comme je reviens à Rock of Ages, voilà, qui ça fait un an, mais je souffre encore de l'avoir vu ce film. Je vous invite à écouter le numéro 2 du podcast Movies Nerd pour en savoir plus sur ce film et comment je l'ai détesté. Mais donc quand je déteste un film, je le déteste vraiment, et je vais pas me déranger au niveau de mon langage, parce que il y a des enfants qui peuvent écouter. C'est la responsabilité des parents d'écouter ce que leurs enfants écoutent ou regardent avant de les laisser voir ou écouter, parce que moi, je peux pas être tenu responsable. Je dis pas que j'ai été que quelqu'un me l'a dit. Ça n'a pas encore été le cas, mais je préviens toujours. Voilà. Donc revenons sur le film. Voilà. Si vous avez moins de 10 ans, ne regardez pas ce film. Et encore. Voilà. Bon, c'est quand même assez violent et tout ça. Il est interdit au moins de 12 ans en France, mais pour moi, je trouve que moins de 10 ans, ça devrait aller, quoi. Si vos parents vous ont bien éduqué, il n'y a pas de problème avec ce genre de film. Voilà, c'était la petite, mon petit coup de gueule, on va dire, entre guillemets, hein. Voilà. Merci encore d'avoir écouté ce vidéo club movie, cette rubrique du vidéo club Movies Nerd sur le film Super. J'espère que vous avez envie de voir le film. On passe tout de suite à nos coups de gueule, coups de cœur et découvertes du mois. C'est la nouvelle rubrique qui remplace Looking of Movies, et celle-ci on l'a enregistrée avec Eddie et Quentin le 28 août. Donc je vous préviens tout de suite, le son va être un peu moins pas agréable à écouter puisque c'est une conversation Skype bien sûr, donc on peut pas avoir une qualité comme si on était tous ensemble dans la même pièce. Donc voilà, c'est une qualité Skype, mais c'est assez, enfin c'est écoutable, il y a pas de problème, vous comprendrez parfaitement. Et ben voilà, on va passer tout de suite au Video Club Movies Nerd, à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Et je laisse la place à Eddie, Quentin et Axel du passé. Voilà. Et nous, on se retrouve pour l'agenda Cinéma Movies Nerd après. Les coups de cœur, coups de gueule et découvertes cinéma de l'équipe Movies Nerd se trouvent dans cette rubrique. C'est parti. Nous sommes donc à la rubrique nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, et j'ai avec moi mes deux invités, Eddy et Quentin, que je laisse se présenter. Donc salut. Salut. Salut. Quentin, vas-y. Hein. J'ai à toi l'honneur. Hein. je m'appelle Eddy. Sur Movies Nerd, c'est Istark, pour ceux qui me connaissent, et sur Sens Critique aussi, pour ceux qui me connaissent peut-être aussi là-dessus. Bienvenue, on va discuter un peu et on va voir comment ça se passe. Ouais. Donc moi je m'appelle Quentin, donc je suis aussi sur Sens Critique, hein, je republie mes critiques dessus et donc voilà. Ok, d'accord. Donc on va parler de plusieurs films, je vais d'abord laisser les invités parler de leurs films et puis après moi je parlerai de mon coup de cœur à moi. Et on pourra en discuter aussi. Voilà. Donc, je laisse d'abord Quentin discuter du film Enemy. D'accord. Alors, je dis d'abord le synopsis. Oui, tu peux présenter le film, le synopsis, réalisateur, vite fait. Alors, Enemy, c'est le nouveau film de Denis Villeneuve, donc, qui avait également réalisé Prisoners. Donc c'est l'histoire d'Adam, un professeur discret qui mène une vie paisible avec sa fiancée Marie. Un jour, il découvre son sosie parfait en la personne d'Anthony, un acteur fantasque, et ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scénarios, pour lui et pour son propre couple. Donc j'avais déjà beaucoup aimé Prisoners, qui était sorti en octobre 2013. Je reprochais un peu un certain manque de rythme enfin dans sa deuxième partie, mais enfin voilà, dans l'ensemble je retenais que du bon. Et donc ici avec Enemy, il est sorti mercredi, et donc c'est un véritable coup de cœur pour moi. Mm-hmm. dans sa mise en scène, dans son interprétation, au départ j'étais pas sûr d'avoir tout compris, mais j'étais sûr d'avoir aimé au moins. D'accord. Et donc que dire d'autre, enfin non, voilà. Donc ce que je trouve bien déjà, enfin c'est que pendant tout le film je j'ai rien pu venir, franchement ça m'a fait un peu penser quelque part, ça m'a un peu rappelé Fight Club, mais plus dans son scénario que dans sa mise en scène. D'accord. Donc c'est ce que je disais dans ma critique, je trouve que le cinéma de Denis Villeneuve a vraiment en quelque sorte un lien avec celui de David Fincher, donc c'est ce qui m'a plu, donc comme David Fincher est un de mes réalisateurs favoris. Voilà, donc c'est pour ça que le cinéma de Villeneuve me plaît beaucoup. Et après, ce qui m'a plu aussi dans le film, c'est la photographie. D'accord. Voilà, c'est tout un peu jaunâtre, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et qui est pas là par hasard d'ailleurs, la photographie, hein. Oui. Ça, elle a vraiment un sens. Ouais, c'est Je peux te laisser en parler un peu si tu veux. Ah bah vas-y, je t'en prie, termine. C'était juste une intervention. Donc voilà, donc après, je trouvais Jake Gyllenhaal. Bon, là, pour moi, c'est sa meilleure prestation jusqu'ici. C'est pas un acteur qui me plaît beaucoup en général, mais là, ici vraiment, je l'ai trouvé à sa place. Je l'ai adoré dans ce rôle-là. Après, dans les seconds rôles, c'est un peu plus en retrait. Donc, Mélanie Laurent, je l'ai trouvé bien. Mais voilà, ça reste quand même très... D'accord. Elle reste quand même très en retrait. Après, Sarah Gadon, celle qui joue la femme de du double d'Adam en quelque sorte. Donc je l'ai trouvé, je l'ai vraiment trouvé génial. Donc j'avais déjà beaucoup aimé dans Cosmopolis et Master of the Stars. C'est un peu, oui, parce que je te coupe, je suis désolé. Je me demandais où je l'avais vu et il me semblait que c'était dans Cosmopolis, mais j'étais pas sûr et j'ai pas pris le temps d'aller chercher. Donc c'était dans Cosmopolis du coup. Ouais, je jouais la femme de Robert Pattinson. Donc. D'accord, ok. Et donc voilà, donc elle était souvent dans les productions de Cronenberg. Je crois qu'elle avait joué dans le film du fils de Cronenberg aussi. Que j'ai pas vu. Elle joue, il me semble que c'est une actrice qui joue beaucoup dans ce genre de film, justement. Elle est plus attirée je sais pas, mais on la voit rarement dans les films très grand public ou. Elle est plus dans le cinéma indépendant ou. Comment dire. Moins grand public, quoi. Ouais, je sais qu'on avait pu l'apercevoir dans The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un Héros, qui est sorti en avril, donc elle jouait. L'intelligence artificielle de Scorp, je crois. Ouais, c'est ça. C'était pas un grand rôle, mais je. Mm. Ouais, voilà, c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que. Elle est vraiment. Même quand elle va vers le grand public, elle est pas dans un rôle principal. C'est surprenant parce qu'elle a vraiment une facette de jeu intéressante, je trouve, exploiter. Et c'est bizarre qu'on la voyait pas plus que ça, mais après, c'était des choix qu'elle fait aussi. Je pense qu'on lui a proposé des choses après Cosmopolis, mais elle est beaucoup restée dans le même genre de. Okay. Ah, voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour. Ok. Eddie, ce que tu en as pensé? Alors moi déjà concernant Denis Villeneuve, je n'ai pas vu Incendie, qui est son premier film, je crois. Il a fait que 3 films, hein, il me semble. Ouais. Donc j'ai pas vu Incendie, j'ai découvert en fait Prisoners, même pas au cinéma, je l'ai vu après. J'avais bien aimé Prisoners, j'avais trouvé ça très esthétique et l'ambiance pesante aussi m'avait beaucoup plu. Je trouvais que ça collait bien et les deux têtes d'affiche étaient vraiment aussi très justes. On s'attend vraiment pas à avoir Hugh Jackman dans ce genre de rôle. Ouais. Et ça fait plaisir parce que ça prouve, voilà, vraiment aux gens. Parce que Prisoner, c'est vrai que c'était quand même axé grand public. Ça reste un thriller, mais c'est un film qui a été quand même bien vendu, qui a bien marché en plus. Donc je trouve que c'est bien qu'on mette Hugh Jackman dans cette posture-là. Ça permet aussi de montrer que voilà, c'est pas juste Wolverine. Ouais. Même s'il est très bien en Wolverine, hein, ça lui va parfaitement, mais c'est un acteur qui peut faire d'autres choses. Donc voilà, Prisoners, pour ça, c'était bien. Mm-hmm. Sinon, après, voilà, j'avais trouvé le film intéressant. Un petit peu long, oui, mais je pense pas que ça le pénalise. Je pense que ça, au contraire, ça sert vraiment à faire l'immersion auprès du spectateur. Ouais, non, ça m'avait pas vraiment fait sortir du film. Hein. C'est juste pour revenir à ce que j'avais dit avant. Ouais. Donc moi, j'avais bien aimé. Et du coup, je le conseille aussi. D'accord. Voilà, je sais pas si tu l'avais vu, toi, Axel. Non, ça m'avait vraiment donné envie quand j'ai vu la bande-annonce, mais malheureusement, je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Voilà, faut que tu peux le voir. Ouais. T'as plus le choix, c'est un gage. Et donc, du coup, concernant Enemy, j'étais curieux. J'étais curieux parce que, bon, déjà, la bande-annonce et le pitch du film annonçaient clairement la couleur. Que ce serait différent, c'est un film qui est vraiment, au premier abord, je trouve que ça donne quand même le ton, au niveau de ce que ça présente, c'est que c'est plus, j'aime pas dire ça, mais ça sent le film plus complexe, plus difficile à aborder. Mm-hmm. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'exercice de Jake Gyllenhaal, là-dedans. Parce que c'est pareil, c'est un acteur que j'apprécie, mais qui est pas, je vais pas courir voir tous ses films, c'est un acteur que j'aime bien, je l'ai découvert comme beaucoup de monde dans Le Jour d'après. Et du coup, voilà, je voulais voir un peu le film pour ça, et puis après le thème du double m'intéresse aussi au cinéma. Donc voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, Enemy, j'ai trouvé ça techniquement très bien. La mise en scène est vraiment très très bien, très intelligente. Elle est riche en symboles et tout ça. La photographie qui donne vraiment cette ambiance pesante qu'on retrouvait dans Prisoners aussi, même si c'était dans d'autres teintes de couleurs au niveau de l'image. Plus mais bleu c'est dans Prisoners. Ouais, bleu, noir, plus comment dire, poisseux un peu. Ouais, vieux un peu. Et lugubre, voilà, c'est vraiment le mot. Et ici, au contraire, on est baigné dans quelque chose d'un peu plus chaud. Alors que l'histoire est quand même vachement glauque, en fait. Ok. Surtout dans ces contrastes, en fait, l'histoire est beaucoup plus. C'est encore plus malsain que ce qu'on a pu voir dans Prisoners. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que le souci, c'est que j'ai pas détesté le film, mais je suis beaucoup plus partagé que Quentin, en fait. D'accord. Parce que le film, je trouve que toute cette mise en scène, ces acteurs et tout, même si moi j'ai pas trouvé Mélanie Laurent douée du tout. Enfin, j'ai un problème avec cette actrice, je suis désolé. Ouais, à part Inglourious Basterds, voilà. C'est la Marion Cotillard de The Dark Knight Rises, c'est ça? Non, pas à ce point-là. Mais Marion Cotillard, moi j'aime bien. Il y a vraiment que dans The Dark Knight et encore dans The Dark Knight, je les trouve bien jusqu'à la mort. Fameuse scène où elle est pas bien. Sans vouloir spoiler. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je trouve que le souci de Enemy, en fait, c'est que toute cette mise en scène, tout ce qui tourne autour de l'histoire, en fait, c'est juste un dispositif qui sert pas grand-chose finalement. Et je trouve ça dommage parce que le problème du film, c'est que il en dévoile beaucoup dans ses symboles et tout. Et en fait, la mise en scène qu'on trouve très belle, finalement, elle pénalise un peu le film, je trouve. Elle en dévoile trop et on comprend vite en fait. On comprend vite et moi ça m'a gêné parce que j'aurais voulu justement que être tenu en haleine jusqu'au bout. Et même le plan final qui en a comment dire pas perturbé mais qui en a surpris plus d'un apparemment. Moi voilà, enfin ça oui évidemment on s'attend pas forcément à voir ça mais je veux dire le sens on le comprend tout de suite. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ça un peu dommage, je m'attendais vraiment à ce que le film soit surprenant jusqu'au bout, il est vraiment dans le premier quart d'heure, même pas la première demi-heure. D'accord. Et j'ai trouvé ça dommage. Alors, c'est plaisant à suivre, hein, mais c'est clairement pas... moi je suis moins convaincu. Okay. Je pense qu'il y avait matière à aller plus en profondeur là-dedans et avoir des aboutissements plus ambitieux que ça, on va dire. Ok. D'accord. Quelque chose à rajouter, Quentin? Par rapport au dernier plan. Ce dernier plan, c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a pris son sens. C'est vraiment à partir. Moi, justement, contrairement à Izzy, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai tout compris. Enfin, en quelque sorte, c'est vraiment c'est ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment le dernier plan arrive à faire comprendre. Je vais pas spoiler un peu l'histoire, mais le problème, c'est que même quand on en parle un tout petit peu, c'est pas facile de pas spoiler. J'imagine. Et justement, le souci, c'est ça, c'est que tu vois, toi, Quentin, t'as vraiment marché dans le film tel que le film était pensé. Et c'est pour ça que le film est pas mauvais parce que il va trouver son public malgré tout, en fait. D'accord. Parce que tout ce cheminement, Quentin, lui, il a réussi à l'avoir, alors que moi, pas du tout. En fait, le truc, c'est que je l'ai vu venir à l'avance. Alors que Quentin, il a vraiment été dedans. Ouais. Donc là, c'est bien. On a vraiment deux avis on va avoir les gens qui vont comprendre rapidement. Puis on a ceux qui vont vraiment se laisser porter et puis être surpris à la fin. Donc, il vaut mieux vivre l'expérience qu'a vu Quentin, hein, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Mais voilà. Mais le film, oui, trouvera son public, ça, c'est sûr. Ok, d'accord. Et donc, Jake Gyllenhaal est très bien, oui. Je disais que c'était un peu ce qui m'intéressait dans le film, donc oui. Il est très bien, je pense aussi que c'est clairement sa meilleure prestation jusqu'à aujourd'hui. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait joué dans Prisoners aussi. Oui, il était très bien aussi. D'accord. Si vous n'avez rien à rajouter, on va passer tout de suite au film qu'Eddie a vu, Boyhood. Donc, je vais te laisser parler de ce film. Alors Boyhood, c'est un film indépendant qui a un petit peu fait parler de lui quand même parce qu'il a la particularité d'avoir été tourné sur 12 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est un film de Richard Linklater. Je sais pas s'il est très très connu, il a fait beaucoup de films assez radicaux comme ça ou toujours à concept un peu. Moi j'avais pas vu un film de lui avant. Et maintenant quand j'ai vu les noms, oui, ça me parlait mais j'avais pas vu les films. C'est celui qui a fait la trilogie des Before, non? Before Sunrise et compagnie. Ouais, voilà, la trilogie, ouais. Moi, je les ai pas vus. J'ai vu que le premier, donc. D'accord. Et Scanner Darkly aussi. Hein. Voilà, bah moi ça me parlait pas, je connaissais pas. Peut-être que les gens connaissent, mais moi je connaissais pas du tout. D'accord. Okay. Et donc voilà, donc le film est tourné sur 12 ans et l'histoire est très simple, c'est qu'on va suivre la vie pendant 12 ans d'un jeune garçon au début et qui va devenir un adulte. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le film c'est con à dire comme ça, mais le film est très vrai. Alors évidemment, quand c'est dit comme ça, ça fait un peu bête, ouais. Mais c'est ce qui fait sa force justement, parce que c'est un film qui va vraiment toucher, qui m'a touché personnellement. D'accord. Et qui risque de toucher les gens de plein de manières différentes. Après voilà, c'est un film qui fait 2h45, donc faut pas être rebuté par les films un peu lents, parce qu'évidemment, quand on parle d'une vie, tout n'est pas rapide, hein, il se passe pas que des choses toujours très intéressantes. Mais voilà, moi ça m'a touché parce que ça fait écho aussi à plusieurs expériences personnelles. D'accord. Mais le film est vraiment bien là-dedans et évidemment ce qui est intéressant c'est la cohérence. Ouais. C'est que du coup c'est le film est tourné en 12 ans mais le réalisateur du coup filme les mêmes acteurs quelques jours par an pendant 12 ans. Qui grandissent quoi. Voilà. Donc évidemment, ça donne complètement, ça donne beaucoup de force au film, ouais. Au niveau de la cohérence, parce que forcément, on prend pas un acteur pour le faire jouer à 8 ans, puis après on en prend un autre parce qu'il arrive à 10 ans et tout ça. Comment on le fait dans quasiment tous les films, quoi. Voilà, c'est pour ça. Là, ça me paraît complètement fou, quoi. La patience qu'il a eue pour tourner son film, c'est. Bah, c'est même pas une question de patience, je pense. C'est de l'expérimentation, ouais, carrément. Ouais. C'est que il n'imaginait pas son film autrement que comme ça. D'accord. Je pense. Ouais. Donc, et c'était aussi le but du film. Alors, rapidement, on peut se dire que c'est juste un dispositif, que ça a pas. Quel est l'intérêt de faire un film sur 12 ans? D'accord. C'est justement pour utiliser au mieux tout ce que permet le cinéma. C'est justement ça. Le cinéma permet aussi de faire le constat d'une époque. Et c'est ce que fait Boyhood, parce que forcément, en 12 ans, il s'est passé des choses. Ouais. Donc, on voit beaucoup de choses qui se sont passées aux États-Unis, on voit la mentalité aussi aux États-Unis. Et c'est vraiment très intéressant. Et moi, personnellement, je conseille le film, malgré sa durée, il fait 2h45, je sais qu'il y a des gens que ça peut rebuter. Moi je me suis vraiment laissé porter et non, j'ai vraiment bien apprécié. Je pense que il fait partie des films que j'ai le plus apprécié cette année et risque d'être dans mon top 10. D'accord, ok. Donc voilà. D'ailleurs, je vois sur Wikipédia, tant que j'y suis, sur Rotten Tomatoes, il a 100% de critiques, sur Metacritic, 100 sur 100, donc... vraiment. Et puis, en plus, avec ta critique, ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. Faut vraiment que j'aille le voir, quoi. Je sais plus s'il passe encore. Faut que je le voie, quoi, c'est... Ouais. Parce que là, ça me donne vraiment envie de voir ce qu'il a pu faire avec ça. Tu l'as vu, toi, Quentin? Oui, c'est ce que je voulais dire. Non, j'ai pas eu l'occasion, il est pas passé dans mon cinéma, c'était un film. Il est pas passé dans le tien, il est passé dans le mien. Ah bah dis donc. toi, t'as pas de chance, parce que moi, du coup, je galère pour voir les films, et celui-là est passé. parce que je sais pas, enfin, je pense qu'il était qu'en VO, c'est ça? Ils ont pas fait de VF? Ouais, moi, je l'ai vu en VO, ouais. Ah, parce que mon cinéma fait que de la VF, donc c'est pour ça que j'ai pas de chance. Ah bah, c'est pareil pour moi. Donc, comme j'étais en vacances, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans un cinéma. Moi, j'ai été surpris parce que dans le cinéma, moi j'habite dans une petite province, on est 16 000 habitants. Donc forcément, le cinéma, les programmations, c'est beaucoup de gros films qui sont susceptibles de ramener du monde. D'autant plus que moi, c'est une association de cinéma. Et donc j'ai été surpris qu'il le diffuse et puis du coup en VO et c'est très bien, c'est très très bien, on m'a fait plaisir. Je suis assez surpris qu'il passe des films en VO alors que moi je réclame depuis très longtemps l'arrivée des films en VO chez moi et ça n'arrive toujours pas. C'est dommage, hein. Ouais. Et pour moi ça, enfin sur certains films ça gâche quand même assez un peu l'expérience, quoi. C'est surtout que... Sur certaines VF qui sont vraiment pas terribles, quoi, des fois. Le problème de la VF, maintenant, c'est que du coup, on a Depuis qu'on fait les sorties mondiales avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et tout, on n'a plus le temps de faire des bons doublages. Ouais, c'est ça. Il faut que les doublages soient prévus en même temps que les films sortent. Et c'est pour ça que, par exemple, le doublage du premier Harry Potter, c'est une catastrophe. Ouais, c'est... Ah, je... Et... Je trouve correct. Enfin, je... Ah bah, Hermione Granger des... dans Harry Potter, c'est ouf. C'est vrai qu'elle a, ouais, c'est là, elle a une mauvaise VF, mais c'est pas, on va dire, c'est bon en général. Enfin, il y a quand même des bonnes VF dans le. Oui, il y a des bonnes VF. Non, je dis pas le contraire. Hein. Ouais, voilà. Hermione de la Galaxie était pas mal en VF. Ouais. Ouais. Mais je pense que je l'ai. Enfin, au niveau de l'appréciation du film, je pense que je le préférais en VO, quoi. C'est. Enfin. C'est toujours comme ça que j'adore voir les films, comment ils ont été tournés. Que ce soit en indien, en italien, en quoi que ce soit. Je préfère toujours voir en VO parce qu'il y a toujours plus d'émotions. Et puis c'est. Et surtout, comme tu dis, dans les films type italien ou même espagnol, parce que, alors eux, en plus, ils ont à parler, ils parlent beaucoup avec les mains. Mmh, ouais. Donc, forcément, ça n'a pas du tout le même ressort quand c'est en VF. Ouais. C'est vrai que c'est plus intéressant de les voir en VO. Oui, c'est sûr. Ok. T'as rien à rajouter sur Boyhood? Oh bah non, allez le voir si vous pouvez. Et laissez dans les commentaires sur le site pour dire ce que vous en pensez. Attendre le DVD pour le voir, quoi. Ouais, maintenant, je pense que ça va pas être facile autrement. Mmh. Et après, bon, si vous avez pas de scrupules, il y a toujours des moyens, mais bon, vous pouvez éviter. Voilà. D'accord, ok. Maintenant on va passer à Quentin qui a vu le film Lucy. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir les critiques d'Enemy, Boyhood et Lucy sur le site. Hein. Maintenant, je vais laisser Quentin parler de Lucy. Donc, Lucy, c'est le nouveau film de Luc Besson sorti le 6 août dernier. Donc, c'est un film avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman et Min Sik Choi. Donc, c'est l'acteur de Old Boy. Donc, je présente pas Scarlett Johansson et Morgan Freeman parce que je pense que voilà, tout le monde. Non, ça va. Non, ça ira. On les connaît. Donc, c'est l'histoire de Lucy. Donc, c'est une émission qui est partie travailler je sais plus si c'est en Corée ou en Chine. Donc, voilà. Donc, un ami va lui demander de déposer une mallette dans un hôtel. Suite à ça, elle va se faire enlever. Ouais. Et on va lui ouvrir le ventre, lui mettre des paquets de drogue dans le ventre. Et je galère vraiment à. En fait, c'est pas facile de parler du film parce qu'il est tellement mauvais ou c'est qu'il y a vraiment pas d'histoire en fait. C'est que l'histoire est voilà, c'est que je sais pas du tout. Franchement, c'est vraiment pas un film que j'avais vraiment envie de défendre. Voilà, c'est enfin, j'ai déjà dans ma critique, j'ai vraiment galéré à pas cracher tout le monde venant dessus parce que c'est vraiment un film que j'attendais parce que la bande-annonce était belle, il y avait de belles musiques, voilà, Scarlett Johansson, je l'adore, c'est une excellente actrice. Ah, en fait, faut juste voir la bande-annonce hein, apparemment. Moi, j'ai pas vu, mais bon, vu ce que tout le monde dit sur le film, j'ai été complètement découragé. Donc tout est dans la bande-annonce, dans la bande-annonce, c'est ça. Enfin, tous les meilleurs passages sont dans la bande-annonce et donc, ce que je reproche au film, c'est qu'il ne développe aucune de ses idées. Donc, hein, ça, dans sa réalisation déjà, ça prend dans The Tree of Life, 2000 ans l'Odyssée de l'Épée. Dans The Tree of Life. Ouais, ça s'inspire de The Tree of Life aussi. Ah oui. Et c'est de 2000 ans de l'Odyssée de l'Espace, du cinquième élément. Et au final, ça fait un mélange assez dégoûtant dans la réalisation. C'est pas très beau. C'est pas. Est-ce que c'est pas facile de rallier Tree of Life à 2001 déjà? C'est sûr. Non, puis même, enfin, je vois pas ce qu'il peut dans le film. Non, je vois pas. Enfin, j'ai pas vu le film, du coup, j'arrive pas à faire de rapport du tout entre les inspirations. C'est dans les passages où Morgan Freeman explique l'évolution humaine en quelque sorte, et donc il y a beaucoup de plans. Enfin, c'est jamais vraiment voilà qui rappelle. Ah, il y a des plans un peu contemplatifs voilà, quoi, avec s'inspire de beaucoup de choses voilà contemplatifs. Et c'est un moment contemplatif, un moment de l'action bourrin. Enfin, voilà, le film c'est jamais sur quel pied danser en quelque sorte. Et donc ça part dans des délires, ça va jamais au bout, ça se finit sur une phrase ridicule d'ailleurs. Vous savez quoi faire maintenant, non? Vous ne savez pas quoi faire à la fin du film. À part pleurer, enfin, je sais pas. Besson est pas un réalisateur que je déteste. J'ai aimé ses anciens films, mais même je lui donnais vraiment carte blanche pour celui-là. Franchement, j'avais envie de voir ce qu'il avait à nous dire encore, et puis apparemment rien du tout. Bah, puis c'est surtout que quand tu l'entends dans les interviews par rapport à Lucy, c'est vrai que tu sens qu'il a pris du plaisir en plus à le faire. Donc c'est dommage de voir toutes ces mauvaises critiques, parce que tu te dis qu'il s'est planté, quoi. Il s'est planté en s'éclatant, c'est con. C'est pas communicatif. Enfin, c'est un moment où il veut faire dans du sérieux, mais c'est comme s'il pouvait pas s'empêcher de se lâcher. Donc c'est un mélange de plusieurs genres et ça passe pas du tout, en fait. C'est voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est dommage ou c'est juste ou c'est bête, quoi? Dommage et bête, en fait, c'est un peu les deux. J'ai plus la déception. C'est surtout la déception plutôt qu'autre chose, parce que j'attendais quand même le film avec plus ou moins. Après, je me demande si c'était raisonnable de ma part d'attendre un film de Luc Besson. On en est dernièrement, bon voilà, c'était pas. The Lady était très bien. The Lady était un bon film dramatique, mais c'était un mauvais biopic. Donc voilà, Luc Besson, il est chiant pour ça, c'est que il se focalise sur des trucs et il en oublie d'autres. C'est vrai que The Lady à la base c'était un biopic, et le problème c'est que c'est juste un bon film dramatique. Mais dans le genre de film dramatique, il est très bon, par exemple. Et ça, c'est le problème de beaucoup de films de Luc Besson. Ça, je voulais juste noter la superbe prestation de Michel Yeoh dans The Lady. Très très bien. Michel Yeoh, il est même à conseiller The Lady pour rien que ne serait-ce que pour l'actrice. Mm-hmm. Oui, elle est absolument géniale. C'est elle qui porte le film, vraiment. Mm-hmm. Le film doit beaucoup à la prestation de Michel Yeoh, et puis aussi David Thewlis, je sais pas vraiment comment on dit. David Thewlis, qui jouait le Monsieur Lupin de Harry Potter. Voilà, c'est celui-là. Et donc que je trouve également excellent. Donc ici, bon, le personnage principal donc dans Lucie est pas mauvais au départ. On a vraiment de l'empathie pour elle. Elle est dépassée par les événements, et puis au final, au fur et à mesure que le film s'avance, le personnage devient de plus en plus froid et l'attachement se fait vraiment. Ouais, ça c'est pas bon. T'as beaucoup de mal à t'attacher à elle. Voilà, c'est. T'as pas d'empathie, ouais, non, forcément. Rapport, oui, voilà. Ce qui est un peu dommage, en fait, avec Lucie, je pense aussi, c'est que c'est par rapport à ce qu'il représente. C'est un film français. Ouais. Et malheureusement, quand on produit des choses un peu plus audacieuses comme Lucie, quand il s'avère que c'est pas bon, ça encourage pas. Déjà qu'on sait que le cinéma français ne s'oriente pas beaucoup vers autre chose que la comédie ou le film dramatique. Enfin, la science-fiction française, mais là, c'était vraiment pas. Ouais, et ça, franchement, c'est dommage pour ça, ouais. Je pense. Ouais, parce que du coup, ça va encore servir à. Ça sert pas du tout à l'ouverture du cinéma sur d'autres horizons, quoi. Enfin, le cinéma français, en tout cas. Dès qu'on essaye de faire du fantastique ou de la science-fiction, déjà, pour, à mon avis, pour recevoir du financement pour le film, ça doit être dur. Et ensuite, Besson, il n'y a pas eu trop de mal. Ouais, Luc Besson, bien sûr, mais si on parle de quelqu'un d'autre, c'est juste une exception, Luc Besson, quoi. Tu prends Christophe Gans, quand tu vois le temps qu'il a attendu pour faire sa Belle et la Bête. Ouais, voilà, je pense que c'est le meilleur exemple, de toute façon, c'est Christophe Gans. C'est un mec qui est obligé d'aller à l'étranger parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut en France. Ouais. Et c'est dommage, quoi. Et il suffit de voir ce qu'on fait outre-Atlantique, quoi, au niveau science-fiction, fantastique et tout ça, ou même juste à côté. Et la France n'est pas capable de faire un bon film de science-fiction, quoi. Je pense pas qu'ils sont pas capables. Ils veulent pas donner les moyens. Voilà, d'en faire de bons. Et puis quand il y a les moyens, comme pour celui-là, ça plante, et ça c'est dommage, ouais. Quoi. C'est. Oui. Et à noter aussi, dans Lucie, une direction des acteurs assez pathétique, on va dire, quand même. Min-Sik Choi était excellent dans Old Boy, et ici, ils ont un peu réussi à nous le rendre complètement fade. Mm. Chose que je pensais impossible jusque-là. D'accord. Mais c'est juste la grosse déception, et puis ça devient grotesque au final. Ça lorgne un peu sur Transcendance aussi. Ouais. Que j'ai pas vu, du coup. Qui était sorti en juin. Donc Transcendance, il s'était fait bien bâcher par la critique, mais moi c'est pour ça que j'ai pas vu, en fait. J'aurais plus tendance à défendre Transcendance, parce que j'ai trouvé ça un peu injustifié comparé à l'accueil qu'a reçu Lucie, qui était quand même un peu plus positif que pour Transcendance. Bon voilà, Lucie se fait pas non plus super bien accueillir, mais rien qu'au niveau du box office, c'est faramineux. Du coup, même pour là, on pensait que ça aurait pu être un peu l'année Scarlett Johansson, ce qui est quand même eu cette année. Elle a fait Heure. On la voit pas, mais c'est la voix du processeur. Et Under the Skin, évidemment, bien sûr. Là pour le coup, oui. Après, là, évidemment, ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé Quentin aussi, il me semble. J'adorais. Encore un film que j'ai pas vu. Hein. Ah ben ça c'est très très particulier. Hein. Franchement c'est clairement pas le film que tu regardes pour te détendre. C'est vraiment le film à vivre en fait. C'est... Voilà. Si elle a fait Black Widow aussi dans le Captain America, elle est bien sortie. D'ailleurs, elle était excellente dans celui-là. Son personnage a vraiment été développé. Donc, mais Lana Scarlett Johansson, oui, je dirais quand même, c'est pas Lucy qui va gâcher tout ça. Parce que voilà, elle a fait quand même des super prestations. Après, bon, elle patauge un peu dans Lucy. Elle est pas non plus complètement mauvaise. C'est plus l'écriture du personnage. Parce qu'elle a quand même une prestance. Elle a quand même une prestance. Voilà, c'est du bon. C'est pas n'importe qui non plus quoi. Donc voilà. Ouais, c'est dommage quoi. C'est vrai que c'est vraiment dommage ce film finalement. C'est le mot pour lui, c'est dommage voilà. D'accord. Bon ben on verra. Enfin, je peux pas dire on verra quoi parce que j'ai vraiment pas envie de le voir mais si jamais je tombe dessus à la télé, peut-être que je lui donnerai peut-être une chance, on verra. C'est un peu ça en fait. C'est le film que tu vas éviter jusqu'à juste au dernier moment. En fait. Ouais, c'est ça. Et ouais, voilà. Ok, bon ben moi je vais parler de mon coup de cœur pour ce mois-ci. Donc je sais que on l'a vu tous les trois, donc voilà, on va pouvoir en discuter un peu. Avec des avis différents. Ouais, en plus. Donc La planète des singes, l'affrontement. Donc je vais vous faire un peu le résumé, quoi, la réalisation. Donc la réalisation, c'est Matt Reeves qui avait donné le chef-d'œuvre entre guillemets Cloverfield. les acteurs Andy Serkis, donc qui joue César, donc on le voit pas, mais c'est la motion capture. Jason Clarke qui joue Malcolm et Gary Oldman qui joue Dreyfus. J'ai gardé vraiment les personnages les plus importants. Je vais vous donner le synopsis. Donc, 10 ans ont suffi à la grippe simienne pour décimer une grande partie de l'humanité. Dans les ruines de San Francisco, un groupe de survivants tente de rétablir le contact avec le monde extérieur. Il leur faut pour cela avoir accès à un barrage hydroélectrique en plein cœur de la vallée environnante. Territoire des singes, ces derniers menés par César se méfient des hommes, l'équilibre fragile est perturbé et la peur mène inévitablement les deux camps à s'affronter. Ok. Donc voilà, je vais commencer par donner un avis général et puis après on va pouvoir un peu débattre dessus, on va dire. Donc moi j'avais déjà vraiment apprécié le premier, enfin le reboot, donc Les Origines, qui m'avait vraiment touché quand je l'ai vu au cinéma. Et celui-là, c'est un peu pareil quoi. J'ai vraiment, j'avais des grosses comment dire ça, j'attendais vraiment beaucoup de ce film et on va dire qu'il m'a donné quasiment tout ce que j'attendais, c'est-à-dire des bons effets spéciaux déjà. Là franchement, au niveau de la motion capture, on peut dire qu'ils sont arrivés à quelque chose d'assez hallucinant pour c'est ceux qui ont fait les effets spéciaux, c'est ceux qui ont fait ceux du Hobbit, ceux du Seigneur des Anneaux, donc ils s'y connaissent quoi. Et donc voilà, déjà au niveau des effets spéciaux, j'étais j'étais assez halluciné. Ensuite, l'histoire, j'avais peur de la suite parce que pour moi le premier film se finissait et se suffisait à lui-même, on va dire. Après, quand ils ont annoncé la suite, je me suis dit, j'ai quand même peur de ce que ça va donner. Après, j'ai vu la première bande-annonce, j'ai été assez rassuré, mais je gardais quand même mes distances. Et au niveau du scénario, moi, j'ai trouvé ça super. Malgré que le titre, l'affrontement, ne prenne pas tout son sens. Enfin, on va dire que l'affrontement, ce sera pour le prochain film, quoi. Le vrai affrontement. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et sinon, au niveau des acteurs, je l'ai vu en VF, donc j'ai pas entendu la voix d'Andy Serkis, etc. Mais j'ai trouvé vraiment les acteurs super bons. Le doublage au niveau de César est pas... ça va. Oui, ça va, c'est sûr. Mais, comme j'ai l'habitude d'entendre Gollum ou des choses comme ça. Forcément. Ouais, voilà. Voilà, je vous ai donné un peu rapidement mon avis. Je vais laisser d'abord Eddie en parler pour donner un avis contraire et après je laisserai parler Quentin. ça en finira sur une bonne note. Moi, c'est pareil, je l'attendais beaucoup, parce que j'avais adoré les origines. Et ben malheureusement, moi j'ai été déçu. Mais vraiment, vraiment très déçu. Je suis ressorti triste de la salle de ciné. Moi, je suis sorti triste, mais pas de la même façon. Et ça m'arrive pas souvent. Et ça va. Et franchement, non, c'est vraiment une séance de cinéma que j'ai pas appréciée parce que j'ai vu tout ce que je ne voulais pas voir dans ce film en fait. Voilà. Le problème que j'ai avec ce film là, c'est que pour moi, c'est l'histoire principalement. Ouais. Étant donné tout ce que prônaient les origines, le planète des singes, les origines, c'était un film sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit, sur plein de choses qui du tout n'amenaient pas à ce que propose celui-là. Du coup, dans l'affrontement, c'est vraiment tout le contraire. C'est un film où les singes sont évolués certes, mais par contre, on leur fait faire que les trucs très cons, c'est que les singes, ils ont beau être évolués, ils vont quand même se battre pour un territoire, ils vont pas être voilà. Et je trouve ça dommage parce que à partir du moment où on fait évoluer des animaux comme ça dans une histoire où ils deviennent l'égal des êtres humains, je trouve ça dommage en fait de se centrer simplement sur une histoire de territoire et de hiérarchie et tout ça avec le bonobo là, comment ça s'appelle en Chine, Koba. Ah oui, Koopa, oui. Et parce que du coup, comme dans les premiers films de 68, les singes sont hiérarchisés. T'as les chimpanzés, c'est les meneurs en quelque sorte. César, c'est le chef, c'est un chimpanzé. Les gorilles, c'est les combattants. Les bonobos, je sais plus ce que c'est. Et les orang-outans, c'est les scientifiques. Ouais. Ça, c'est dans les films de 68. Et là, du coup, on retrouve un peu ce schéma-là. Sauf que du coup, c'est une histoire de petite guéguerre un peu conne, je trouve, au sein de cette communauté-là, et je trouve que ça n'avait pas sa place là-dedans. Je pense que les singes avaient, la planète des singes a beaucoup plus d'intérêt l'histoire de la planète des singes a beaucoup plus d'intérêt quand on se centre sur le fait que c'est une espèce qui revendique sa place. Ouais. Et là, le problème, c'est que, le film ne fait pas que ça. Le film se focalise trop sur l'affrontement mais chez les singes et je trouve ça dommage en fait parce que c'est pas du tout ce que prenait le premier film. Évidemment ça peut plaire, moi personnellement c'est pas ma logique à moi. Ouais. Et par contre à côté de ça voilà, évidemment visuellement c'est très beau. L'univers est bien et vachement et plein de détails, c'est cohérent. Le fait qu'on mette les singes un peu dans une société type néolithique, quoi, c'est très rudimentaire, mais en même temps c'est très structuré malgré tout. Voilà, ils vivent peut-être dans des grottes mais ils sont structurés quand même. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Moi par contre un truc qui m'a beaucoup plu dans le film quand même, c'est au niveau du langage. Ah oui, alors ça c'était vraiment exceptionnel. Ça j'ai trouvé ça très très bien. Pour le coup, moi qui suis pas fan de Matt Reeves, j'avais pas du tout aimé Cloverfield, et là je trouve que c'est bien qu'il tombe pas dans la facilité du on fait parler les singes, voilà. Ouais, les singes parlent, mais avec leur langage à eux, et ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de films qui auraient fait beaucoup de réalisateurs qui auraient pris le raccourci normalement, qui les auraient fait parler. Et du coup là, quand ils parlent. C'est quelques mots, mais principalement c'est du langage des signes. Et ça c'est bien parce que ça rajoute à la cohérence. Donc voilà, le problème, c'est un peu le même problème que j'ai avec Enemy, c'est que tout ce qui gravite autour du scénario, je trouve ça très bien, je trouve ça intelligent. Il y a des messages qui sont pas mauvais quand même, mais je trouve que la base de l'histoire est un peu plate et puis vient complètement contrecarrer tout ce que le premier film racontait. Donc voilà, moi j'ai vraiment été déçu. Je pense que oui, pour le coup, là, c'est l'une de mes déceptions de l'année. D'accord, ok. Quentin, si tu veux donner ton avis, alors. Moi, au contraire, j'ai trouvé que ce second volet était vraiment dans la continuité du premier, parce que comme tu disais, voilà, le premier c'était sur la tolérance, sur tout plein de messages qui étaient véhiculés, qui m'avaient plu. Et le deuxième, j'ai trouvé que c'était vraiment une une réflexion assez forte sur la nature humaine par rapport à l'affrontement entre Cobb et César, qui quelque part a une résonance avec celui entre Malcolm et Dreyfus. Donc alors là, c'est quelque chose que c'est quelque chose qui m'a plu, et c'est vraiment c'est vraiment la manière dont on va voir comment les singes vont finir par comment ils vont devenir l'égal des hommes, mais en prenant aussi leurs défauts. Mais justement, moi tu vois, c'est ça que je trouve trop facile aussi. Ah bon? C'est que je trouve ça dommage, tu vois, je pense qu'il y avait d'autres chemins à prendre que plutôt vraiment se focaliser sur ça. Tu vois, c'est un film qui est tout en miroir, c'est que les hommes font des conneries, les singes aussi. Les hommes font des trucs bien, les singes aussi. Et je pense que pour parler d'égalité entre les espèces, il y avait quand même d'autres choses sur lesquelles se baser. Parce que là, ça fait, c'est très basique, en fait, je trouve, comme structure au niveau du scénario. Après, je pense que je peux comprendre ta déception, parce que, enfin, j'ai trouvé quand même la partie humaine assez pauvre en termes d'écriture. Ça c'est sûr. Les personnages, voilà, sont pas du tout développés. Il y a quand même des moments forts. Même Gary Oldman, quoi. Je veux dire qu'il y a un acteur quand même. Oui, Gary Oldman, c'est pas n'importe qui, quoi. Et là, bon. On va dire que comme il finit, c'était un peu con. Comme il finit. Ouais, c'est un peu con, mais même, je veux dire, il a pas non plus un rôle. Voilà, quand moi, il y a une scène où j'avais plus le sourire que la bouche. Ouais. C'est vrai qu'il méritait mieux, mais. Après au-delà de ça, moi c'est vraiment, enfin c'est moi ça m'a plu justement qu'ils prennent cette direction là. Après je pense que je peux comprendre ta déception, mais oui, mais ça de toute façon c'est pas, si y a pas de souci hein, le cinéma c'est ça aussi hein, c'est des avis qui divergent et heureusement, parce que sinon j'aurais pas de débat, donc je pense que je peux pas vraiment comprendre ta déception, mais voilà. Bah, après, pour revenir sur la partie humaine, on a quand même des beaux passages, voilà, par exemple Maurice qui donne c'est le gamin de Malcolm qui donne un livre à Maurice. T'as des scènes comme ça, t'as des petits moments de fulgurance comme ça, très beaux. Et le problème, c'est que c'est vraiment l'histoire derrière, quoi. C'est tout ce qui gravite autour de l'histoire est bien, mais c'est l'histoire en elle-même, moi, qui me pose un problème. Parce que c'est vrai que, les passages avec Maurice et Laurent Houtan. C'est ça. Qui regarde le livre avec le fils de Malcolm, il me semble. Le héros humain, c'est Malcolm. Ouais. Tu vois, ça c'est pas mal du coup. Et là, pour le coup, pour parler d'égalité, justement, je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment des êtres qui se rapprochent par rapport à leurs similitudes, mais qui en prennent vraiment que le bon et qui sont conscients de ce que chaque espèce a de mauvais, mais qui au contraire le contrôle. Et le problème, c'est que le film fait l'inverse aussi parfois. Voilà. Ouais. Bon, on va dire que je peux comprendre aussi ta déception, mais le truc c'est que je trouvais que, comme Quentin, les défauts et les qualités des humains, comme c'est un virus qui a été, on va dire, développé par les humains, et qui a été propagé par les singes, je trouve que ça représente bien les erreurs et les qualités que les humains peuvent faire, en fait. Mais ça c'est normal, ça c'est voulu de toute façon, comme ça que ça a été écrit. Bien sûr. C'est ce que je trouve dommage, mais oui, c'est comme ça que ça a été voulu, donc logiquement oui, mais voilà. Mais ça c'est plus un. Et voilà, c'était une idée qui m'avait beaucoup plu. Donc après il y a des très beaux scores dans le monde original, j'ai trouvé excellence. Les passages, notamment les passages de classe. Je sais pas si c'est le même compositeur que le premier. J'ai un doute, le premier c'était Patrick Doyle. Je sais pas du tout. Il avait fait une très bonne VO avec beaucoup de lyrisme. Là c'est Michael Giacchino, apparemment. Ouais, je connais moi. C'est pas lui qui a fait Star Trek, lui ? A fait Star Trek, oui, c'est ça. Ah voilà, d'accord. Okay. Donc voilà, oui, la BO était superbe. Mais bon. Notamment les passages de chasse au début. D'ailleurs, c'est un passage que c'est ça, la scène de chasse au début, quand même. Ouais. Bah, de toute façon, le film est bien foutu. C'est vrai qu'il faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est vrai que ça a de la gueule. Visuellement, c'est super beau. Évidemment, la motion capture fonctionne très bien. Les singes font pas toc. Et ça, c'est bien. C'est le problème. Le problème, c'est que, aujourd'hui, ça, quand tu t'amuses à vraiment faire beaucoup d'univers, tu sais, où tout est très, comment dire? où c'est beaucoup de numérique, même les décors. Le problème, c'est que parfois les personnages ben, ça fait toc, quoi. Ça fait pas. Ça, tu savais pas vrai, alors que ici, non. Et ça, c'est bien. Évidemment, la technique fonctionne, mais c'est vrai que, bah, de toute façon, oui, le film de ce côté-là est très bien. Pas de souci, la mise en scène et tout. Et, non, c'est très bien. Après, dans l'absolu, c'est pas le film que je retiendrai, voilà. Mais je trouve que c'est une suite qui se vaut tout à fait. Enfin, c'était voilà, j'ai pas été déçu. D'accord. Ouais, okay. Moi, je verrai le troisième quand même. Hein, parce que ouais, ça c'est sûr. Mais, voilà. Et puis ouais et puis avec Koba justement mais quand bon je vais pas spoiler mais quand il fait quelque chose qui n'est pas censé faire moi j'étais vraiment mais non c'est pas possible quoi bah oui ça, moi aussi même sans en trouvant l'histoire un peu plate moi aussi forcément ouais. Et le puis personnage auquel tu t'attaches donc ouais et puis c'est vraiment bien fait au niveau de on va dire comment ils ont caché, comment ils ont intégré ça dans le groupe quoi, dans le groupe des singes. Moi, je trouvais ça vraiment, enfin, j'ai vraiment apprécié le film. C'est sûr, c'est pas le meilleur film de l'année, loin de là, mais c'était un bon petit divertissement d'été quoi. Voilà. Ouais, mais c'est enfin, et c'est du divertissement, ouais, mais pas que quand même. T'as le divertissement con, lynché, mais transformé. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait le divertissement plus profond, la planète des singes. Voilà. Voilà. Je pense pas que ce soit un divertissement tout bête. Non, il y a vraiment quelque chose à retirer du film. C'est bien sûr. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. C'est vraiment. Même s'il y a une dimension très divertissante, ça c'est sûr. Ben, il faut un petit peu quand même. Un film qui est aussi fait. De toute façon, c'est un film qui est fait pour apporter du fric aussi. Ça se sent. Bon ben. Quel film n'est pas fait pour apporter du fric T'as des films quand même qui sont là. Au niveau indépendant, je dis pas, mais au niveau gros studio, il n'y en a aucun quoi. Non, c'est sûr. Donc voilà. Ok, rien à rajouter? Pas d'autres films Moi non, c'est bon. Ok, d'accord. On close cette rubrique qui a duré bien 30 minutes, à mon avis. Et donc, on va passer tout de suite au film du mois. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et nous sommes à la rubrique du film du mois, et ce mois-ci, nous parlons du film Les Gardiens de la Galaxie, qui est sorti en France le 13 août 2014. La réalisation et le scénario est fait par James Gunn. Les acteurs sont Chris Pratt, qui joue ici Star-Lord, qui avait joué dans Le Stratège, Zero Dark Thirty, Zoe Saldana, qui avait joué dans Avatar et Star Trek, qui joue ici Gamora, David Bautista, qui est un catcheur de la WWE, et qui a joué dans Riddick 2013, le film qui est sorti en 2013, et qui joue ici Drax, et au niveau des voix, il y a Bradley Cooper, qui a joué dans, entre autres, American Bluff, Very Bad Trip, etc. Qui est ici la voix de Rocket en VO. Et Vin Diesel, qui a joué dans plein de choses aussi. Sauver le soldat Ryan, Riddick, etc. Fast and Furious. Voilà. Et qui est la voix de Groot, et en français aussi d'ailleurs. Donc voilà. Oui, ça c'est super. Ouais. Donc, je vais vous faire vite le synopsis, et après on va parler du film. En 1998, alors que sa mère agonise dans une chambre d'hôpital, le jeune Peter Quill, qui est Star-Lord, s'enfuit en pleurs avant d'être aspiré dans un vaisseau spatial. 26 ans plus tard, il est devenu Star-Lord, un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates. Rocket Raccoon, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre et porteur d'armes de roquettes, l'énigmatique immortel Gamora, ainsi que Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat, aussi désespéré soit-il, pour sauver ce qui peut encore l'être. Voilà. Je vais laisser mes deux invités parler un peu de leurs avis sur le film. Qui commence? Vas-y, dis. Moi, je veux bien, mais je fais toute la critique avec le langage de Groot, alors. Oh. Non, ouais, allez. Ça va être court. Ouais, ça va être court. Trois mots. Que dire? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas... Alors, j'ai jamais vu un comics de ma vie. D'accord. Je suis pas un fan absolu de Marvel. Jusqu'à récemment, en fait, j'avais pas vu beaucoup de films de Marvel. Et en fait, avant de voir Les Gardiens de la Galaxie, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je vois tout ce qu'il y a Iron Man, Hulk et compagnie, et Avengers aussi, ouais. Parce que moi, j'avais vu que les Thor, en fait. D'accord. Qui donc, j'ai rattrapé mon retard et... Qu'est-ce que tu dis? Qui sont pas les meilleurs, d'ailleurs. Le premier, il est pas terrible. Moi, j'ai bien aimé le deuxième. Non, le deuxième, il est bien, mais le premier, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Un problème de mise en scène. Ouais, c'est pas voilà. Voilà. Et donc, du coup, j'ai rattrapé mon retard et j'ai été voir Les Gardiens de la Galaxie au cinéma. Mm-hmm. Et tout simplement, je me suis éclaté, quoi. C'était génial. C'était vraiment très très bien. Évidemment, il y a pas énormément de choses à dire au niveau du scénario. Hein. Je pense qu'on va pas voir le film pour ça non plus. Mmh. Là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, mais là, oui, c'est clairement du divertissement. Ouais. Et qu'est-ce que je peux dire? Alors, j'ai commencé juste par le petit bémol que j'ai eu quand même, c'est que j'ai pas forcément toujours eu la sensation de voir un film de super-héros. En fait. D'accord. Mais après, moi, je connais pas l'univers Marvel. Ouais. Donc, c'est vrai que je sais pas comment ils le rattachent aux autres Avengers. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu déstabilisé. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu ce sentiment-là vraiment tout le long du film, même en l'appréciant. Hein. Ouais. Mais j'ai vraiment eu le sentiment de pas avoir un film de super-héros et plus d'être dans un truc genre grosse aventure à la Star Wars. Ouais, de science-fiction, quoi. C'est pas. Ouais, voilà. Mais je pense que du coup c'est volontaire aussi parce que du coup c'est un film d'introduction pour ces personnages-là et du coup l'univers ne demande qu'à se développer dans le futur film. Ouais. Donc voilà. Mais donc le film est très bien, c'est vachement intéressant visuellement déjà. Visuellement c'est très classe et ce qui est génial dans ce film c'est qu'on maquille des acteurs, on ne fait pas que des acteurs en images de synthèse et ça c'est bien. Ça a un petit côté old school, c'est sûr. Ça c'est mon gros point, c'est mon gros coup de cœur du film, c'est vraiment qu'on n'a pas que des effets spéciaux, on a vraiment du vrai, du réel sur le tournage, quoi. Et c'est super agréable de voir ça enfin au cinéma, parce que ces dernières années c'est beaucoup comme on l'a dit avant, des effets spéciaux faits par ordinateur, etc. Ouais. Et là, ça fait vraiment plaisir de revoir un peu de vrai, un peu de matière. C'est vrai, quoi. Parce que tu prends un exemple tout con, tu prends le Hobbit, le premier. Un voyage inattendu, c'est vrai que tu prends l'orque blanc, là, le Azog. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il est tout en image de synthèse et t'as l'impression qu'il est sorti tout droit d'un jeu vidéo. Ouais. Enfin, ça se sent moins dans le deuxième film. Oui, c'est très faux. Voilà. Ouais. Alors que c'est vrai que dans Silence des Anneaux, par exemple, t'avais les orques, c'était des acteurs, et ça servait justement à rendre le film, à l'ancrer dans une réalité, et je trouve ça bien. Il devenait leur magie, oui. Qui devenait, ouais, t'avais vraiment cette immersion, et du coup, ils le font avec les Gardiens de la Galaxie, et ça, c'est super, parce que t'es vraiment aux côtés de ces personnages, et tu suis leur histoire, et tu vis l'action en même temps qu'eux, et ça c'est vachement bien. Alors c'est vrai que t'as Groot et Rocket Raccoon qui sont en image de synthèse, mais à côté t'as les images de synthèse, hein. Voilà, ils sont très bien faits et ça passe, et ça passe même très bien, parce que bon, par contre s'ils avaient fait Gamora et Drax en image de synthèse, je pense que ça aurait pas aussi bien passé, quoi. Non, ça l'aurait moins fait, et du coup Gamora et Drax sont pas ridicules, quoi. Ouais, voilà. Puis plus pour les prestations des acteurs aussi, ça aide beaucoup. Enfin, Gamora, dans Avatar, la mini-série, je l'ai trouvé assez passable. Ouais. Enfin, je l'ai trouvé un peu, je trouvais son jeu un peu fade dans Avatar. Là, ici, elle est vraiment, elle joue à peu près le même rôle. Enfin, Même rôle, mais bon, un peu plus déjanté, forcément. Ouais. Oui, voilà. Voilà, mais c'est enfin, voilà, dans un autre registre, on va dire. C'est Mais c'est un personnage intéressant quand même, parce que y a tout le dilemme avec sa sœur et tout ça. C'est vrai que dans Avatar, Zoe Saldana, elle est dans quelque chose de plus spirituel. Et c'est le personnage qui veut ça aussi. Moi, je trouve qu'elle s'en sort bien, personnellement, dans Avatar. Dans Star Trek aussi, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais... Si, récemment, en plus. Dans Star Trek, moi, je l'ai trouvé super. Hein. Ouais, très bien, ouais, aussi, dans Star Trek. Ouais, dans Star Trek, elle est bien. Et après, voilà, je trouve que le film, de toute façon, il puise sa force là-dedans. C'est, James Gunn, il s'est dit, voilà, on va faire un film, c'est une grosse éclate, et il va à fond. Et ça fonctionne, parce que, c'est vrai que t'as de l'action, tu rigoles. En même temps, t'as une histoire bon, qui est pas compliquée à suivre, mais tu prends plaisir à la suivre quand même. T'as les acteurs qui s'amusent beaucoup, et ça se sent, franchement. Faut pas, voilà, je veux dire, ça se voit. Chris Pratt qui te fait un genre de moonwalk et tout, c'est génial. Chris Pratt, mon nouvel acteur préféré. Hein. ouais, pour beaucoup. Moi, j'ai un fil d'actualité Facebook qui est plein de Chris Pratt en ce moment. Ouais. mais ça me gêne pas. Et donc voilà. Et puis c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et tu sens vraiment que le film, en même temps, c'est un film qui est fait par Marvel pour introduire des nouveaux personnages. Et en même temps, tu sens que le réalisateur rend hommage à tous ces gros films qui sortaient dans les années 80 et tout. Ouais. Je pense évidemment Star Wars, c'est un petit peu plus vieux, non? Star Wars, c'est 77, donc voilà. Le premier, ouais, en tout cas. Après, c'est 80 et 82, si je me trompe pas. Ah oui, mais, non, ça va. Non, c'est mais, bien ça. Mais pour moi, quand je l'ai vu, j'arrête juste deux secondes. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est le Star Wars de cette génération. C'est ce que j'ai mis dans ma critique aussi. Star Lord, c'est clairement le Han Solo des années. Complètement, évidemment. Et pourtant, voilà, tu sens que le film puise son inspiration là-dedans, sans pour autant plagier, parce que Groot et Rocket Raccoon, c'est C-3PO et R2-D2. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, différence de taille. Hein. Voilà. Pourtant, c'est le C-3PO et R2-D2 inversé, en fait. Pourtant, voilà, les comics ça. Étaient sortis avant le film Star Wars, donc comme oui. Quoi. c'est vachement bien au niveau de ça. C'est ce côté vraiment old school qui fait plaisir et qui prend vraiment, qui a vraiment sa place là-dedans. Tu sens que l'univers a été réfléchi par rapport à ça. Ouais. Et on nous présente ces héros sans on s'y attache. Maintenant, voilà, tout ce qui reste à voir, c'est comment ils vont rattacher tout ça à l'univers Marvel déjà existant. Mm-hmm. Et puis voilà quoi. C'est en même temps, il y a pas énormément de choses à dire sur les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai que c'est un film très simple, mais c'est qui fonctionne très bien quoi. C'est bien orchestré, c'est efficace. Et puis moi franchement, je suis très curieux. J'ai vraiment envie de voir la suite. Ouais. D'accord. Donc, on va passer à Quentin. Alors, comment rebondir par rapport à... ça va être c'est dur, sur moi... ça, hein, c'est pas évident, parce que je pense qu'on est à peu près tous sur le même avis. Voilà, donc c'est un film qui fait vraiment l'unanimité. Donc, je pense que voilà, Eddie a vraiment dit le... Mais ça, c'est Eddie vrai, a... oui. C'est, tu parles de ça, mais j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que c'est un film qui fait l'unanimité, mais j'ai pas vu de... De mauvaises critiques. Pour le moment, même dans mon cercle de gens que je connais, c'est vrai que j'ai pas eu de mauvais retour, quoi. Après voilà, j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter, donc j'ai trouvé le casting vraiment génial, Chris Pratt que je connaissais déjà de par Parks and Recreation de Michael Schur. J'avais oublié de le dire, mais ouais, justement. Alors que moi, je l'avais jamais vu. Hein. Toi, t'as dit qu'il était dans Zero Dark Thirty, je me rappelais pas qu'il était. Ouais. Non, il avait un tout petit rôle. Et je le connaissais déjà de là, donc voilà, quand j'ai su pour qu'il allait enfin pouvoir décoller grâce à ça, j'étais content. Zoé Saldana, je la trouve excellente. Bon, c'est pas une actrice que je porte spécialement dans mon cœur, mais que j'apprécie. Mm-hmm. Elle est fun, quoi. Ouais. après les prestations vocales, je peux pas trop en juger par rapport à Bradley Cooper, on va dire. Ouais. Quant à Vin Diesel, c'est pas difficile. c'est génial. il dit je s'appelle Groot de manière très... Non, c'est pas je s'appelle Groot, c'est je s'appelle Groot. Et voilà. Tu le dis très bien. Dave Bautista, bah, c'est un peu la surprise du film aussi. On aurait dit qu'il avait pas un rôle très, très, très important, donc voilà, j'ai pas vu vraiment... Mais... Ben, moi, au début, je pensais pas que ça allait devenir un des personnages principaux. J'avais même pas fait gaffe au niveau des affiches et tout. Donc, J'ai été surpris qu'il était né dans ce film, franchement. Ça m'avait, je me suis dit. Je savais pas qui c'était. Je n'aime pas, enfin, j'ai pas vu de catch. Ouais, je le connaissais pas non plus avant. Je le trouve excellent, franchement. Il joue très très bien. De toute façon, l'écriture des personnages aide beaucoup ici. Les personnages sont très bons. C'est ce qui marche aussi. Les personnages sont ultra charismatiques. T'as Glenn Close aussi en Nova Prime. Oui, elle est géniale. Qui est excellente. Sa réplique. Ah ouais, non, mais oui, non, mais de toute façon, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment le film qui a toutes les cartes en main pour devenir générationnel. Ouais. Voilà, puis la bande originale, elle est magnifique. Franchement, c'est vraiment la meilleure bande originale de l'année. Ouais, depuis très longtemps. Ça, c'est. La meilleure bande originale, alors pas originale, mais meilleure bande sonore au niveau des musiques. Pas originale. Ouais. Ouais. Bah, puis, forcément, enfin, c'est des trucs qu'on connaît tous. Donc. Et puis même au niveau de la bande originale, la vraie, où il y a de la musique, justement, il y a juste de la musique. Je trouve qu'elle est vraiment très, on la reconnaît facilement et on la retient facilement. Je l'avais encore dans la tête après être sortie de la salle, alors que souvent quand je vais voir des films, j'arrive plus à me souvenir après une ou deux heures qu'est-ce que j'ai entendu comme musique. Alors que là, j'arrivais très clairement à m'en souvenir. Bah oui, j'ai pas retenu plus que ça, par contre, c'est bizarre. Mais je voulais la réécouter et je l'ai pas trouvée sur Spotify. Donc, j'ai trouvé que les chansons, en fait. Sur YouTube, elle est. D'accord. Je l'écoute depuis quelques jours, donc. Pour la bande originale, je pense surtout au passage où Star-Lord va sauver Gamora. Ouais. Donc, avant de se faire enlever Dondu et c'est. Voilà, c'est. Et puis il y a la scène, on peut pas trop parler parce que du coup on spoil un peu, mais avec la chanson des Jackson 5. C'est long. Donc voilà, ça c'est. Mais c'est un film qui est tout le temps comme ça, quoi. Ouais. C'est un film qui a des instants dramatiques, mais ça se désamorce tout le temps avec un truc comique. Mais c'est pas pour autant que ça devient bête, en fait. Ouais. Et je trouve ça bien. Ouais, ouais. Mais et puis les musiques sont. Enfin, moi je pensais que ça allait être un peu. On va dire c'est du plus, quoi. C'est alors que c'est vraiment bien calé dans l'univers, quoi. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part, quoi. C'est il y a une logique à la musique dans le film. Ça fait pas tâche du tout, quoi. Prendre des musiques des années 80 sur un space opéra, j'ai trouvé ça génial. Par exemple, prendre des musiques modernes pour Gatsby, enfin je prends juste par exemple, ça collait pas, mon sens, en jeu. Même si la bande originale était bien. Ouais. C'était plein de musique des années 2000, voilà. Ça colle vraiment. Enfin, ils ont fait ça dans Gatsby. Ouais, dans Gatsby, ils ont pris plein de musique. Parce que moi, je l'ai pas vu. Ah oui, d'accord, oui, c'est bizarre. Hein. C'est plein de musique des années 2000 dans un film qui c'est un film d'époque, En plus. Années 20. Et donc, je trouvais que ça collait pas vraiment. Même si la bande originale est belle. Et donc et là franchement ils ont choisi les bons morceaux, les bons voilà, c'est après t'ajoutes à ça le bagou de Chris Pratt, de tout le casting. Puis, il n'y a pas un gros développement au niveau des méchants, mais ça fonctionne quand même. Ouais, enfin ouais. C'est qui fait le méchant, c'est Lee Pace. Ouais. Ouais. Bon, ça va, hein. C'est pas. Non mais je parle de au niveau de la prestation, c'est très bien, mais. Ouais, mais le développement. Voilà, c'est pas. Après, voilà, on peut toujours se poser des questions sur ces. Voilà, sur. Bah, moi, je l'ai préféré dans Le Hobbit, quand même. Ah oui, il est excellent. Ouais. Je le trouve vraiment très classe. Ouais, vraiment. Ouais. D'accord. Moi, je vais. Bon, vous avez un peu tout dit, donc. c'est pas grave, mais. Ouais, je voulais juste revenir sur la réalisation qui est. Enfin. Elle est classique sur certains points, mais vraiment, si vous voulez des plans iconiques, faut aller voir le film, parce que là, c'est carrément, il y en a tellement, j'arrive pas à les citer, quoi. C'est un gros travail quand même au niveau de la profondeur de champ. Oui, justement, j'allais dire, est-ce que vous avez spoté les plans 3D demandés par les producteurs? Ah, moi je l'ai pas vu en 3D, hein, personnellement. Ah, non, non, moi je l'ai pas vu en 3D, je trouve que ça gâche le film souvent à 3D. Moi je l'ai vu en 3D, je trouvais la 3D très très bien. Ouais, franchement, d'accord. Il y avait vraiment des bonnes idées avec la 3D. Là cette fois-ci ça marchait vraiment. D'ailleurs, dans les productions Marvel, je les trouve souvent ratées. Ouais. Et là c'est vraiment la première fois que ça me. Voilà, ça m'a. D'accord. Ah, moi je vais pas à la 3D, ça me donne mal au crâne. Bah, moi, du coup j'évite, mais je pense que je passe quand même à côté de certains trucs. Je crois que le dernier truc que j'ai vu en 3D c'était Titanic en fait. Ah, quand ils l'ont repris. Donc ça commence à dater. Hein. D'accord. Ouais. Ben, il y a quelques plans, moi quand j'ai vu en 2D, donc à chaque fois je me disais, ah, il saute vers la caméra au ralenti. Bah ouais, ah, ça c'est le plan en 3D quoi. C'est... Notamment le passage, oui, au début quand il s'échappe de la planète. Bon, le nom m'échappe. Oui, là, ce passage se rendait vraiment bien. Quoique aussi, t'as des plans un peu à la Gravity aussi. Oui, oui. Ouais. Du coup, si en 3D, celui-là, j'avais vu en 3D, t'as des plans dans Gravity, quand t'as Sandra Bullock qui longe la capsule, en fait. Mm. Elle est dans son costume de cosmonaute et elle longe la capsule, elle est dans l'espace. T'as beaucoup de trucs comme ça aussi sur les gardiens, les gardiens des galaxies. Ouais, oh, non, c'est top. Et puis les scènes d'action aussi sont vraiment bien filmées, quoi. On comprend, c'est clair, quoi. C'est pas c'est lisible, c'est très lisible. C'est pas, y a pas de, enfin, je peux prendre un exemple, genre La mémoire dans la peau, où je comprends que dalle. La caméra elle bouge tout le temps. Là on comprend vraiment, l'action est vraiment lisible. Et puis c'est à quoi, t'as Transformers un peu qui est chiant au niveau de ça, enfin qui est chiant tout court, mais moi j'aime pas du tout, mais j'aime pas la franchise, mais c'est beaucoup de scènes où c'est la grosse destruction massive, et puis même toi, les robots qui se transforment, tu les vois pas bien se transformer, c'est pas, alors que là c'est vrai que t'as pas une scène où tu vois pas bien, quoi. Ouais, bon, parce que c'est de vrais acteurs aussi. Ça, c'est vraiment la meilleure réalisation du MCU jusqu'ici. Enfin, ouais, clairement, ouais. Le mieux foutu, ouais. Après, je sais pas si c'est l'univers qui me plaît le plus, même si ça me plaît bien, mais niveau film, ouais, je pense que. Enfin, moi, je me suis encore plus éclaté devant Les Gardiens de la Galaxie que devant Avengers. En fait. Ah oui, pareil. Bah, pour moi, c'est mon film Marvel préféré. Hein. Y a rien eu de mieux. Enfin, je mettrais Gardiens de la Galaxie et Avengers juste après. Donc, moi je connais quelqu'un qui est vraiment fan de Marvel, qui est comics et tout, et au début ils en parlaient et tout, et quand on m'a dit voilà, c'est clairement le meilleur Marvel sorti jusqu'à aujourd'hui, je dis bon, il y a quand même quelque chose, quoi, c'est mais c'est pas pour rien, quoi. Ah non vraiment, franchement, c'est puis même c'est ce qui est bien aussi, c'est que le film, t'as pas besoin d'être fan de Marvel pour aller le voir, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que les personnages, du coup, c'est pas un reboot de Marvel, hein, vu que c'est l'introduction, tu n'as pas besoin de t'occuper de Captain America et compagnie. Oui, c'est le commencement de quelque chose, franchement. Ouais, et c'était très bien. C'est un bon film, c'est très popcorn. Puis c'est vraiment un film à voir au cinéma aussi. Ah oui, alors ça. Oui. Et là, pour le coup, les gens peuvent y aller encore. Il a passé un bon petit moment. À mon avis, il passe juste en septembre. Oui, je pense. Donc, ouais, même plus loin le carton qu'il fait. Oui, oui. Ouais, je pense, ouais. Jusqu'au début octobre, à mon avis, Et je sais pas si vous aviez vu Green Lantern, qui est vraiment un film très raté, mais pour moi, c'est ce que Green Lantern aurait dû être. C'est d'accord. Vraiment. Parce que Green Lantern, c'est vraiment. C'est lourd, l'acteur est vraiment pas. C'est DC Comics. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment lourd, alors que là. L'univers de Green Lantern se prête parfaitement à une genre de réalisation comme ça. Alors que là, c'était vraiment très lourd. C'était, je sais plus qui c'est qui a réalisé, mais c'était vraiment. La bande annonce, c'était pas spécialement drôle, hein, de Green Lantern. C'était très dramatique. Ouais, voilà. Bah là, t'as beaucoup de punchlines ratées dans Green Lantern. Ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais dire encore. C'est tout ce que. Ouais, je pense qu'on a tout dit, hein. Ouais, non, c'est ça, c'est bien foutu, c'est divertissant, c'est pas bête. Puis voilà, enfin, c'est vraiment. C'est à découvrir, c'est pas. C'est vraiment un film qui est fait pour tout le monde, c'est pas juste fermé aux admirateurs de Marvel et tout, et il y a pas trop de fanservice en plus, donc ça c'est cool. Ouais. Et puis même, Les Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment pas très connu en France avant. Non. Bah, nous, c'est beaucoup X-Men, Spider-Man, ah, voilà. C'est un sacré pari, ouais. Ouais. Là ils viennent, bien sûr, comme le film sort, ils viennent à peine de sortir le premier comic que j'ai acheté et que je me ferai un plaisir de lire d'ailleurs, mais ouais. C'était vraiment assez risqué et ils ont réussi leur pari et je suis très impatient de découvrir l'Awesome Mix 2 volume 2 dans le prochain. Donc là le prochain c'est Avengers 2. Le voilà. Prochain qui sortira, ouais, c'est ouais. Ça. Ils ont fini le tournage ce mois-ci, donc Donc logiquement, les Gardiens de la Galaxie, ils seront dedans ou... Parce que moi, j'y connais rien. Je pense que non, c'est plus dans Avengers 3. Ouais. D'accord. Okay. Même plus loin, mais je suis pas sûr du tout. Enfin, rien n'a été annoncé. Ouais. Mais je... Bah, de toute façon... À un moment, ils finiront bien par se réunir. Thanos, donc, qui est un méchant qu'on voit vraiment pour la première fois. Enfin, on l'avait vu dans la scène de fin... de toute Thor fin 2. De, d'Avengers. Et donc, Avengers, oui, non, je suis pas la Ravens. On l'avait vu dans... C'était le collectionneur. Ouais. On l'avait vu dans la toute fin de scène d'Avengers, donc en 2012, donc ça fait longtemps. Et là, on le voyait enfin un peu dans ce film, d'ailleurs. Et ce sera le grand méchant dans Avengers 2, donc voilà, à mon avis... Et t'as pas des indices aussi dans la scène post-générique de, ouais, alors, je voulais juste de encore... Captain America? Ah, alors ça, je m'en souviens plus. Ça fait... Le Captain America 2. Ouais, justement. Captain America 2, c'est les jumeaux qui seront dans le deuxième. Ah oui, voilà. Aaron Johnson et Elizabeth Olsen. Ouais. Oui, donc, oui, d'ailleurs, ça promet, ça. Ah oui, oui. C'est oui. Une actrice absolument géniale. Mmh. Donc... Ah oui, ouais. Ouais. Donc, on va dire qu'on va un peu, enfin, spoiler la scène de fin, de toute fin de Gardien de la Galaxie, pour en parler un peu. Donc, si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, même si ce n'est pas vraiment très important, on va dire... Pas même. Ben... Ouais, avancer de 2-3 minutes, voilà. Donc, Howard the Duck. Alors moi, j'ai pas compris. Alors, ma première hypothèse que je me suis fait, en fait, dans ma tête, c'était que... Bah, vu que c'est... Bah, Marvel appartient à Disney. Ouais. Moi, je pensais que c'était une référence à Donald. Mais bon, je suis pas du tout... j'y connais absolument rien, donc... c'est pas ça. En fait, Howard the Duck, c'est un... Enfin, d'abord, c'était un comics. Ouais. Et... Ensuite, ça a été un film fait par notre grand George Lucas, d'ailleurs, dans les années 80, et qui est vraiment, qui est vraiment pas terrible, on va dire ça gentiment. Les droits appartenaient à Lucasfilm et à Marvel. Et donc, comme Disney vient de racheter Lucasfilm, enfin il y a un an ou deux, maintenant, ils vont faire un film, à mon avis, Howard the Duck. Et j'étais très, très, très déçu de cette scène post-générique où j'attendais vraiment plus, quoi. Howard the Duck, mais super canard, quoi, en gros. C'est, c'est quasiment ça. Ils vont faire ça. Un film là-dessus. Je connais un peu l'histoire de Howard the Duck, mais j'ai lu aucun comics dessus. Non, moi non plus. Rien dire dessus. Moi non plus, j'ai après, juste vu le... Enfin, j'ai après, vu... la scène introduit également... J'ai vu le film de George Lucas, puisque je suis un fan assez... je suis un fan de George Lucas, mais bon, voilà. J'étais vraiment... Enfin, ce film est vraiment... Je voulais même pas en parler, quoi. on va voir ce qu'ils vont en faire. J'ai quand même peur. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de quoi, hein, parce que bon... ça a pas l'air d'être non plus un héros hyper... Non, mais après, ça se trouve, ils peuvent en faire quelque chose de bien. S'il n'y a pas George Lucas derrière... Mais c'est vraiment un canard, c'est pas juste une image, non, c'est un canard. Enfin, après qu'on... Ah oui, d'accord. Non mais, je me rappelle quand même ce que les gens disaient en voyant un raton laveur et un arbre, j'ai plutôt confiance dans ce sens-là, parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais je sais pas, un raton laveur, ça a du charisme, quoi. Un canard, c'est... Non, mais le truc, c'est que je suis vraiment refroidi par le film de George Lucas dans les années 80 quand même, mais... J'étais refroidi et donc je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. D'ailleurs, je voyais, enfin, il y a souvent, quand je vais voir les films Marvel, je sais que je dois rester jusqu'à la fin de toute façon. Mais il y a toutes les familles qui partent parce qu'ils savent pas ce qui va se passer. Et donc on est 3-4 geeks à rester dans la salle de cinéma et à attendre la scène de fin. Et là, je crois qu'on a tous été déçus, quoi. C'est clairement ça. Moi, je suis resté jusqu'à la fin aussi. Ouais. Et je me suis dit, tu te payes tout le générique pour ça. Bon, après, le générique est cool parce que c'est que des musiques bien. Oui, oui. Mais, tu te dis. Tant pis. La... Moi, je pensais voir un truc sur Avengers 2 ou. Ouais, c'est ça, moi aussi. La scène introduit également. La scène introduit également un personnage, enfin, Cosmo le chien. C'est le, celui qui lèche le collectionneur. Donc, je me demande si on le retrouvera aussi dans les films des Gardiens de la Galaxie, celui-là. Ouais, justement. Le collectionneur qui est joué par. Benicio del Toro. Voilà. Ouais, qui est c'est un excellent acteur. Ouais. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelques petits caméos hein, qu'on vous dévoilera pas, mais je sais pas si vous les avez tous remarqués. Mais il y en a quelques-uns, quoi. Bon, comme d'habitude, il y a Stan Lee, je vous laisse le découvrir. Oui, forcément. D'ailleurs, cette scène avec, avec Rocket Raccoon, cette scène d'introduction, elle était vraiment exceptionnelle, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on a tout dit, c'est la fin du film du mois. Notre conseil, c'est d'aller le voir. Absolument. Oui, clairement. Ouais. Voilà. Et donc, on va passer tout de suite à l'agenda cinéma Movie Nerd. Voilà. Vous ne savez pas quoi aller voir le mois prochain ? Ça tombe bien. Parce que c'est le moment de l'agenda cinéma Movie Nerd. L'agenda cinéma. Et nous sommes de retour après ces deux rubriques avec Eddy et Quentin. Donc je les remercie encore, hein, même si je les ai déjà remerciés 3000 fois. Mais merci quand même, c'était super sympa. Voilà. Donc nous sommes à la rubrique de l'agenda cinéma Movies Nerd. Je vais vous parler des différents films qui vont sortir durant le mois de septembre, pardon, qui m'intéressent personnellement et qui pourraient vous intéresser. Voilà. Bien sûr, j'irai pas tous les voir, hein, c'est pas possible de tout voir, pour moi en tout cas, puisque mon cinéma ne passera pas la moitié de ce que je vais parler là, mais des films que je vais parler, mais bon voilà. Au moins c'est à connaître, et si vous avez la chance de pouvoir, de pouvoir habiter à côté d'un cinéma qui diffuse ces films, eh bien ce sera, vous avez la chance, voilà. Donc on va commencer avec, bon de toute façon là je vais commencer avec du gros, donc ça devrait sortir. Si je reste, un film qui sortira le 17 septembre 2014, j'ai rien trouvé avant, hein, rien qui m'intéressait vraiment. Je sais que Quentin et Eddy étaient intéressés par Mademoiselle Julie, j'ai regardé la bande-annonce, ça m'avait pas trop donné envie. Après je juge pas tout sur une bande-annonce, mais... voilà, sachez que Eddy et Quentin ont envie d'aller voir Mademoiselle Julie, et voilà, ils feront sûrement une critique, voilà. Donc Si je reste, un film qui sort le 17 septembre 2014, réalisé par R.J. Cutler, avec Chloé Grace Moretz, pardon, Mireille Enos, Joshua Leonard. Donc le synopsis, je vais vous lire ça directement. En un seul moment, tout peut changer. Mia, 17 ans, n'a aucun souvenir de l'accident. Elle arrive uniquement à se rappeler avoir roulé sur le long de la route enneigée de l'Oregon avec sa famille. Puis en un clin d'œil, elle se retrouve observant son propre corps dévasté. L'adolescente sera tiraillée entre l'envie de rejoindre ses parents dans l'au-delà, et celle de se réveiller et de retrouver son petit ami et ses proches. Voilà. J'ai vu la bande-annonce, là, juste avant, parce que j'étais pas trop au courant qu'il allait sortir. J'avais vu quelques émissions aux États-Unis où il parlait, il donnait vraiment... Enfin, de ce que j'ai vu, les gens avaient l'air d'apprécier. Donc je me suis dit, bah, je vais voir ce que ça donne. Et ça a l'air pas mal, franchement. C'est bien sûr pas le film que j'attends le plus. Apparemment, il est assez émouvant, donc voilà. Je pense pas sincèrement aller le voir au cinéma, mais l'attendre sur Netflix ou en DVD, ça, c'est sûr que je le ferai. Voilà. Dès qu'il sortira, s'il sort sur Netflix, ben je le regarderai tout de suite parce qu'il a l'air vraiment intéressant. Et ben je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma. Regardez la bande-annonce si ça vous plaît. Si ça a l'air de vous plaire, allez le voir au cinéma, parce que ça a l'air vraiment bien. La réalisation a l'air clean. Les acteurs, ben, Chloé Grace Moretz, j'ai toujours du mal à dire son nom. J'adore cette actrice. Elle joue vraiment bien. Enfin, dans tous les rôles que je l'ai vus, elle jouait vraiment bien. Donc, il n'y a pas de quoi. Enfin, à mon avis, elle jouera pas mal dans ce film. Elle a l'air vraiment très impliquée dans son rôle, et puis il a l'air assez émouvant. Voilà. Donc, un film à aller voir, si ça vous intéresse. Ensuite, toujours le 17 septembre, il y a trois films. Donc, le 17 septembre, il y a celui que je viens de vous présenter. Ensuite, il y a Pride, qui est une comédie britannique réalisée par Matthew Watches, avec Bill Nighy, Imelda Staunton et Dominic West. Et bien sûr, plein d'autres mondes, parce que c'est... parce qu'il y a pas mal de monde là dans ce film. Donc c'est le synopsis, je vais vite vous le dire. Été 1984, alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le syndicat national des mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d'activistes gays et lesbiens décide de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l'Union nationale des mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en main propre. Ainsi débute l'histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose, qui s'unissent pour défendre la même cause. Ce film a l'air vraiment intéressant, c'est une comédie bien britannique, donc c'est ce que la bande-annonce dévoile pour l'instant, c'est que ça a l'air d'être une comédie bien, bien britannique, bien déjantée, intelligente à mon avis, et basée sur une histoire vraie. Donc moi, je vais encore vous le dire, mais j'irai pas voir ce film à mon avis au cinéma, parce que bon, ouais, toujours mon cinéma est loin, il passe pas beaucoup de films, et peut-être qu'il ne passera pas celui-là, donc voilà. Mais j'ai vraiment envie d'aller le voir. Si j'ai l'occasion, j'irai le voir et je vous ferai peut-être une critique sur le site, ou alors j'attendrai le podcast pour vous en parler. Mais il a l'air vraiment assez intéressant, et puis parle de sujets qui m'intéressent vraiment, quoi. Donc voilà. Profitez-en s'il passe près de chez vous. Ça a l'air vraiment super marrant. Voilà. Ensuite, toujours le 17 septembre, et c'est le dernier film le 17 septembre, c'est Sin City, J'ai tué pour elle, donc Sin City 2, un film de Frank Miller et de Robert Rodriguez, qui est la suite de Sin City, avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba, plein de monde, Bruce Willis, etc., etc. Le synopsis rapide du film: à Basin City, Dwight McCarthy veut se venger de celle qu'il a trahi, Ava Lord, alors que Nancy Callan essaie de se remettre de la mort de John Artigan. Donc, si vous n'avez pas vu le premier film, ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais je vous conseille d'aller voir le premier film parce qu'il est très bien. Donc, Sin City, J'ai tué pour elle, vous avez sûrement vu les bandes annonces si vous allez souvent au cinéma. Elle passe très très souvent en ce moment. Surtout puisque c'est bientôt la sortie, le 17 septembre. Vous avez aussi remarqué que la réalisation est spéciale, c'est normal, puisque le comics duquel est adapté le film a ce style graphique, donc en noir et blanc, et avec avec de la couleur là où il en faut, enfin là où il faut porter l'attention. Par exemple, quand c'est, je prends un exemple tout bête, quand deux personnages se battent à coups de poing, et s'il y a du sang, eh ben le sang sera rouge et tout le reste sera en noir et blanc. Donc c'est un truc stylisé. C'est des fois les fonds sont, on a l'impression que c'est du crayonné, du dessiné, et c'est fait exprès parce que c'est pour rendre hommage justement au roman graphique de Frank Miller, qui a justement réalisé un peu avec Robert Rodriguez, enfin qui a réalisé en même temps et avec Robert Rodriguez. Donc voilà, il a aussi scénarisé d'ailleurs, puisque c'est lui qui a fait le roman graphique, c'est normal qu'il s'attaque au scénario. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant. Moi j'adore, Sin City 1, je l'ai vu il y a très longtemps, donc il faudrait que je le revoie, parce que ça, j'ai des trous de mémoire par rapport au personnage et tout ça, donc ça, de toute façon j'irai le voir, enfin je le regarderai de nouveau avant d'aller voir Sin City 2. Je pense que j'irai le voir si j'ai pas l'occasion de voir un prochain film qui m'intéresse beaucoup plus, dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la réalisation. Je sais que Franck, que Robert Rodriguez n'est pas très aimé souvent par les cinéphiles, mais moi, son cinéma ne me dérange pas. C'est fun, c'est du Tarantino, Tarantino mexicain, quoi. Enfin, Robert Rodriguez, je crois qu'il est non, il est américain, mais voilà, il a puisque comme comme il a fait pas mal de films, genre Desperado et tout ça, qui se passe dans le Mexique, j'ai toujours l'impression qu'il est mexicain, alors que c'est pas du tout le cas. Mais voilà. Donc, ça a l'air super intéressant. Si vous pouvez aller le voir, donc déjà, si vous avez vu le 1 et que vous avez apprécié, je pense que vous allez aller le voir, c'est obligé. Mais je pense que... enfin, il faut quand même regarder le premier avant d'aller voir celui-là, parce que sinon vous comprendrez rien. Mais ça a l'air assez intéressant et je pense que si je peux, j'irai le voir. Mais normalement, j'irai le voir. Voilà. J'ai beaucoup trop parlé sur ce film, donc on va passer tout de suite au prochain. D'ailleurs, oui, Justin City qui se prend un gros bide en ce moment aux États-Unis parce qu'il est sorti un peu avant, le 23 août, je crois. Et ben il se prend un gros bide et bon, j'ai pas vu le film, je peux pas dire que c'est pas justifié, mais voilà, peut-être que le public n'est pas prêt à ce genre de cinéma un peu différent, pas d'animation, pas de prise de vue vraiment réelle, mais plus enfin c'est vraiment stylisé, c'est le mot qu'on peut utiliser, voilà. Ensuite, le avant-dernier film que je vous présente dans l'agenda Cinéma Movies Nerd, j'ai l'impression d'avoir une voix monotone, c'est absolument horrible, mais j'essaye de garder ça assez intéressant pour que ce soit que ce soit agréable à écouter. Je suis désolé si je dois chercher mes mots des fois, c'est comme ça. Ça fait un petit bout de temps que j'ai plus fait le podcast, c'est pour ça. L'avant-dernier film, c'est High Origins, donc qui sort le 24 septembre 2014, qui est réalisé par Mike Kyle, avec Michael Pitt, Britt Marling, Astrid Berge, Frisbee, c'est un drôle de nom, mais voilà. C'est un drame science-fiction. Le synopsis, sur le point de faire une découverte scientifique, un médecin part en Inde à la recherche d'une jeune fille qui pourrait confirmer ou infirmer sa théorie. Le film retrace le voyage incroyable qui va relier des individus totalement indifférents et prouver que la science et les sentiments ne sont pas deux univers séparés. Voilà. Le film a l'air assez intéressant, c'est... moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le scénario. La réalisation a l'air pas mal, mais on peut pas se baser sur une bande-annonce, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est un film que j'aimerais vraiment aller voir, si je peux. Je sais pas s'il passera, parce qu'il a pas l'air d'être super connu. Y a pas beaucoup de monde qui en parle en ce moment. Il aura peut-être plus de pubs quand on arrivera plus près de sa date de sortie, mais pour l'instant j'ai rien vu à propos du film. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas un film à grand budget, mais ça a l'air assez intéressant au niveau de l'histoire. Ça parle en fait des yeux qui apparemment quand quelqu'un meurt et qu'il a des yeux d'une certaine couleur, certaine forme, eh bien, quand un bébé autre part sur la planète naît, aura cette même couleur et forme d'œil. Donc ça a l'air intéressant. 1h47 pour un film de science-fiction, c'est un peu court pour expliquer un peu tout ce qui va se passer, à mon avis, mais on verra bien. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce, qui est pas mal. Voilà. Et le dernier film que je vais vous présenter, celui que j'attends le plus, celui que je veux voir absolument, mais que je sais à 100% que je le verrai pas au cinéma, et ça m'emmerde, c'est Refroidi. C'est une comédie d'action norvégienne par Hans Peter Moland avec, alors excusez-moi des noms parce que les noms norvégiens c'est pas facile à prononcer pour quelqu'un qui a une langue latine. Tobias Sandelman, Stellan Skarsgård et Bruno Ganz. Je vais pas aller plus loin, mais il y a encore plein d'acteurs. Voilà, mais je pense pas que vous les connaissiez, à moins que vous êtes familiarisé avec le cinéma norvégien, ce qui est bien. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir plus de culture dans ce cinéma. Voilà, donc je crois que j'ai jamais vu de film de norvégien. J'ai vu des films finlandais, suédois, mais jamais norvégien. Donc là, ça aurait été la bonne occasion d'aller le voir au cinéma parce que ça a l'air excellent. Je vais vous donner le synopsis et après je vais vous dire pourquoi ça a l'air exceptionnel. Le synopsis, la Norvège, l'hiver. Nils, alors je me trompe déjà sur le nom, c'est Nils. Voilà, conducteur de chasse-neige, tout juste gratifié du titre de citoyen de l'année, apprend le décès de son fils par overdose. Réfutant cette version officielle, il se lance à la recherche des meurtriers et va se forger une réputation de justicier anonyme dans le milieu de la pègre. Si la vengeance est un plat qui se mange froid, la sienne sera glacée. Voilà. Le film s'appelle Refroidi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc pourquoi ce film a l'air génial ? Déjà la réalisation, on prend une grosse claque quand on voit la bande-annonce. Je sais que il faut pas se fier à la bande-annonce, comme je l'ai dit avant, mais si tout le film est aussi bien réalisé que la bande-annonce, ça risque d'être du très très lourd niveau cinématographique. Ensuite, les acteurs ont l'air vraiment épatants, prenant leur rôle très au sérieux pas aussi au sérieux quand il y a des moments de comédie. Je vous invite vraiment à aller voir la bande-annonce, d'ailleurs. Aussi, pourquoi il faut absolument que ce film passe chez moi, ou alors passe sur Netflix, parce que ça m'embêterait vraiment de devoir le pirater. Ou au moins, faites un petit DVD, quoi, ce serait sympa. Déjà, vous avez trouvé un nom en français, c'est déjà pas mal. Ce qui a l'air exceptionnel aussi, c'est la réalisation, mais vraiment, on a l'impression d'avoir un Tarantino devant nous, et c'est juste exceptionnel, quoi. Au début, c'est vraiment très sérieux, et puis d'un coup, ça part dans des explosions, dans des tirs de partout. C'est c'est une histoire de mafia, bien sûr, mais j'ai jamais vu un film français de mafia aussi bien réalisé et avec autant d'humour. Donc là, vraiment, on retrouve bien la patte Tarantino, bien qu'il n'ait rien à faire avec ce film. Mais je pense que s'il le voyait, il serait très content. J'adore la photographie de ce film aussi. Les paysages, tout, ça a l'air vraiment très très bien. Et bien sûr, ça va être le film qui va pas passer au cinéma ou qui va passer dans un cinéma à Paris, dans une rue sombre, dans un ancien cinéma porno, et c'est toujours le cas, et ça c'est vraiment, faut vraiment faire un effort. Vous passez pendant 4 mois, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou des trucs comme ça, j'ai pas insulté les films, hein, mais vous savez ce que je pense de ce genre de comédie qui, voilà. Vous passez pendant des mois des films comme ça, et puis vous laissez même pas sa chance pendant une semaine à un film qui a l'air super. C'est sûr que c'est pas pour tous les publics, c'est aussi pour ça, mais bien sûr c'est toujours la barrière du langage, parce que le public français est trop con pour lire des sous-titres, et il faut absolument doubler, et ils veulent pas se faire chier à chercher des doubleurs, des traducteurs norvégiens. Ils l'ont traduit la bande-annonce, c'est déjà pas mal, trouver des traducteurs norvégiens et après faire les voix sur un film qui va pas rapporter beaucoup parce qu'il est pas connu. Donc voilà, ça m'énerve vraiment, et c'est vraiment embêtant quand on est fan de cinéma et qu'on veut vraiment voir un film moi je suis quasiment sûr qu'il sortira pas, quoi. Qu'il sortira pas au cinéma ou près de chez moi, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et les complexes cinémas devraient prendre exemple sur les petits cinémas, comme je l'ai dit avant, les petits cinémas dans des ruelles sombres, eh bien, eux, au moins, ils ont le courage de sortir ce genre de film, même s'il y a trois personnes dans la salle, au moins, ils sortent un film qui nous apporte de la joie. Je vais pas dire ça comme ça, puisque j'ai pas vu le film, mais franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais quand est-ce que ça sort? Il faut absolument que je le voie, ce film, et voilà. Je vous conseille, mais s'il passe à côté de chez vous, allez le voir, absolument, absolument. Vous ne pouvez pas aller le voir, vous ne pouvez pas ne pas aller le voir, voilà. J'ai tout dit sur Refroidi. Si je le vois ce mois-ci, ce qui risque de ne pas être le cas, bien sûr, hein, mais je vous tiendrai au courant. Je ferai soit une critique écrite, soit j'en parlerai dans le podcast à 100%, à 100%, ou les deux carrément, parce que ce sera un miracle si j'arrive à le voir au cinéma. Donc voilà. D'ailleurs, je ne dirai pas le. Enfin, je vais essayer de dire le nom en norvégien pour la fin, parce que il faut bien un truc drôle pour la fin. Il faut bien m'entendre faire un truc drôle. Donc, le titre français c'est Refroidi, et le titre norvégien c'est Kraftidioten. Kraftidioten. Voilà. J'ai réussi à le dire. Ça va. J'ai pas trop eu de mal. Donc, j'ai fini avec l'agenda cinéma Movies Nerd. Et on va passer tout de suite à la prochaine rubrique, qui est la bande-annonce du mois. C'est parti. You stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. You shit-kicking, stinky horseman horse-smelling motherfucker, you. You're a fucking secretary. Fuck you. Yeah, that's my message for you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçus au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. Et nous sommes donc déjà à la dernière rubrique du podcast Movies Nerd, numéro 9. J'espère que ça vous a plu jusque-là. Et de toute façon, vous entendrez la fin qu'on a enregistrée un peu plus tôt avec Eddie et Quentin. Mais pour l'instant, c'est le moment de la bande-annonce du mois. Et cette fois-ci, ce mois-ci, la bande-annonce, c'est Birdman. Réalisé par... Alors attention, ça va être un gros challenge pour moi. Alejandro González Iñárritu. Ça va, j'ai réussi, c'était pas mal. Birdman, la distribution, le casting, le gros casting d'ailleurs, Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Riseborough, Zach Galli... Oh, j'ai toujours du mal avec son nom. Galifianakis, voilà. Naomi Watts, Sammy Ryan, et Merritt Weaver, et Jean... loupe pas mal, mais voilà, c'est les acteurs principaux du film. Il sort en France le 28 janvier 2015. Il sort aux États-Unis le 17 octobre 2014. C'est quoi ça? Et en Italie, le 27 août 2014. Donc il était en avant-première du Festival international de films de Venise en 2014. Il est aussi présenté en compétition officielle et j'espère qu'il va gagner parce que ça a l'air exceptionnel. Tout comme Refroidi, j'étais comme Refroidi, quand j'ai vu la bande-annonce de Birdman, j'étais complètement enchanté et vraiment j'avais envie de le voir, mais tout de suite après avoir vu la bande-annonce, parce que il s'annonce très très bien. Le synopsis, c'est un rapide synopsis. L'acteur déchu Regan Thompson, jadis connu pour avoir incarné un célèbre super-héros, revient à Broadway dans l'espoir de retrouver sa gloire en montant une pièce de théâtre. C'est marrant puisque on va dire que Michael Keaton est vraiment très bien choisi pour le rôle, puisqu'il avait joué dans Batman et puis dans les deux Batman, et puis après il n'avait plus joué Batman, donc mais bien sûr, cette fois-ci, le super-héros dont on parle, c'est Birdman, c'est pas Batman. Voilà. Le film a l'air... déjà, le point qui m'a le plus surpris, c'est la réalisation. Ça a l'air magnifique. C'est vraiment ce genre de film, j'adore. Enfin, quand je vois ce genre de réalisation, c'est souvent caméra à l'épaule, donc ça bouge un peu, mais c'est pas la Michael Bay où on te balance la caméra dans tous les sens et on voit que dalle. Non, ça sert le propos du film en suivant le personnage. Souvent, on voit souvent dans la bande-annonce, que d'ailleurs vous entendrez un extrait audio de la bande-annonce juste après que j'ai fini de parler. On voit souvent dans cette bande-annonce la caméra suivre le personnage principal de Michael Keaton, l'acteur Regan Thompson dans le film. Et on voit à travers sa chute, tout ce qu'il subit avant qu'il se passe quelque chose, qu'on sait pas encore ce qui va se passer, mais ça a l'air assez mystérieux. On sait pas vraiment encore quel est vraiment le propos du film, parce que au début on pense que c'est réaliste. Enfin non, au début on se dit tiens, le mec il lévite. Ok, donc c'est pas un film réaliste. Ensuite, pendant toute la bande-annonce, il y a des trucs super réalistes, super durs et tout. Donc on se dit, il s'est passé un truc, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas, il rêvait sûrement. Et je nommais pas la possibilité d'un dream, hein, d'un rêve, pardon. Et après, au bout de quelques minutes dans la bande-annonce, on voit tout déconne. Il y a un oiseau géant en 3D, qui est bien fait, hein, un oiseau géant en CGI. Il y a des effets spéciaux. D'un coup, il commence à avoir des super pouvoirs. On ne sait pas encore ce qui va se passer dans ce film, mais je suis très très impatient de le voir. Rien que pour la réalisation, le scénario a l'air assez mystérieux et ça me plaît qu'on dévoile pas tout dans la bande-annonce. Et les acteurs, Michael Keaton, on le voit malheureusement pas assez souvent. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est un très très bon acteur, et il est un peu oublié d'Hollywood. Donc voilà, bien sûr, Emma Stone, Edward Norton, etc. Tout ça, c'est des super stars de films, donc il n'y a pas de problème avec eux, à mon avis. Ils vont bien jouer leur rôle. Mais voilà, donc je vous dis au revoir ici, puisque je vous dirai au revoir plus tard, mais ça on l'a enregistré dans le passé, donc voilà. Je vous dis au revoir, merci d'avoir suivi ce podcast, je vous dirai ça après, donc voilà. Mais maintenant on va passer à l'extrait audio de la bande-annonce et à la fin du podcast, voilà. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman's law! You do Birdman 4? Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. I'm gonna crab up on your ass, fucking choke you out. You know I'm right. You're so nice. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad. Listen to me. I'm just a... You are the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're a bird man. You are a god. Music. He's a Hollywood clown in a lycra bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. This is about being respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Birdman! There you go, you motherfucker. Dude, you fucking rock! Et nous sommes déjà à la fin du podcast. Merci à mes invités qui étaient là, Eddie et Quentin. De rien. Merci à toi. D'accord. Vous pouvez... merci d'avoir suivi le podcast aussi, d'ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur le site moviesnerd.net, sur Twitter, @movies_nerd, sur Facebook, Google+, SoundCloud, iTunes, voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez retrouver... Enfin, Eddie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors ben moi on peut me retrouver via la page Facebook de Movies Nerd, ouais. Sur le site évidemment et sur Sens Critique sous mon pseudo que j'ai sur Movies Nerd, donc Eastark. Ok, voilà. Et ton Twitter? Et mon Twitter c'est Eastarkfield. Ok, d'accord. Donc en fait c'est comme Eastark sauf qu'il n'y a pas de tiret entre le E et le Stark. Ok, d'accord. Quentin? On peut me retrouver donc sur la page Facebook de Movies Nerd, sur Sens Critique et sur Twitter aussi, donc avec le pseudo Geek of the Galaxy, ouais. Tout attaché. D'accord. Et puis j'ai un blog personnel aussi, enfin voilà, je republie les critiques que j'ai pas encore réussi trop à lâcher. D'accord. Donc voilà. Ok, et moi vous pouvez me retrouver sur @TheLexal d'ailleurs, personnellement. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode, merci encore, et on se voit le mois prochain pour le prochain. À toutes. Salut. Salut.